Dans les classiques du théâtre italien, la radiodiffusion française présente Moni Dalmès et Lise Delamare, sociétaire de la Comédie française, Daniel Lecourtois, Robert Pisani, Marcel André, avec Robert Hirsch, sociétaire de la Comédie française, dans La Locandiera, comédie de Carlo Goldoni, traduction et adaptation radiophonique de Michel Arnaud. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. De l'auberge que tient à Florence Mirandoline, la belle Locandiera. C'est le matin. Et le marquis de Forlipopoli et le comte d'Alba Fiorite, deux beaux messieurs d'un âge certain, occupent le temps qui les sépare du moment du déjeuner en se disputant. Mais entre vous et moi, il y a une certaine différence. Quand il s'agit de payer sa note, votre argent ne vaut pas plus que le mien. Mais il se peut, mais si notre hôtesse a des égards pour moi, c'est que je le mérite plus que vous. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Mais parce que, mon cher, moi, je suis le marquis de Forlipopoli. Eh bien, moi, mon cher, je suis le comte d'Alba Fiorite. Mais oui, vous êtes comte. Votre titre vous a coûté assez cher. J'ai acheté mon comté au moment même où vous vendiez votre marquise. Ah ça, je vous en prie, mon cher. Moi, je suis quelqu'un et l'on me doit le respect. Et qui songe à vous manquer de respect? C'est vous-même qui ayant le pronom de trop haut. Non, moi, je suis descendu ici parce que j'aime l'hôtesse. Tout le monde le sait. Et j'exige que tout le monde respecte une jeune femme qui a l'honneur de me plaire. Oh, voici ma foi qui est plaisant. Voudriez-vous, par hasard, m'interdire d'aimer Mirandoline? Pourquoi donc croyez-vous que je suis à Florence? Pourquoi donc croyez-vous que je suis descendu dans cette auberge? Mais peu importe, vous n'arriverez à rien. Moi, je n'arriverai à rien tandis que vous... Mais tout juste, je suis quelqu'un, moi. Et Mirandoline a besoin de protection. Mirandoline a besoin d'argent et non de protection. Bon, l'argent, ça court les rues, l'argent. Moi, monsieur le marquis, je dépense un sequin par jour. Et je fais sans cesse des cadeaux à Mirandoline. Et moi, ce que je fais, je ne le dis pas. Non, vous ne le dites pas. Mais vous vous arrangez pour que tout le monde le sache. On ne sait pas tout. Mais si, mon cher, on le sait. Les domestiques sont là pour le répéter. Et c'est ainsi que l'on sait que vous ne dépensez jamais plus de 3 pauvres petits paolis par jour. Ah, dites donc, à propos de domestiques, ce valet qui a nom Fabrice ne me revient guère. Il me semble que notre hôtesse le regarde d'un assez bon œil. Et il se peut qu'elle songe à l'épouser, et ça ne serait pas maladroit de sa part. Il y a 6 mois que son père est mort, et une jeune femme seule à la tête d'une auberge risque de se trouver dans l'embarras. Quant à moi, si elle se marie, je lui ai promis 300 écus. Eh bien, si jamais elle se marie, elle aura ma protection. Et en outre, je sais ce que je ferai en outre. Écoutez, mon cher, agissons en bonne amitié. Donnons-lui chacun 300 écus. Non. Moi, ce que je fais, je le fais en secret. Je ne m'en vole pas. Mais je suis ainsi, moi. Hola, quelqu'un? Ça n'a plus un sou et c'est plus orgueilleux qu'un doge. Monsieur Désir? Monsieur? Mais qui t'a enseigné les bonnes manières, Fabrice? Que monsieur me pardonne si je me suis permis d'appeler monsieur, monsieur. Eh bien, Fabrice, comment va votre charmante patronne? Elle va bien, illustrissime. Oh, elle est levée? Oui, illustrissime. Anne Baté. Pourquoi cela, illustrissime monsieur? Mais à qui en as-tu avec ton illustrissime? C'est le titre que je viens également de donner à monsieur le comte. Mais entre lui et moi, il y a une certaine différence. Vous entendez, Fabrice? Il dit vrai, monsieur le comte. Je m'aperçois de la différence quand je fais ma caisse. Dis à ta patronne qu'elle vienne me parler. J'ai à lui parler. Je vais le lui dire, Excellence. Je ne me suis pas trompé cette fois, hein, Excellence? Oui, ça peut aller. Il y a 3 mois que tu sais comment on doit m'appeler, mais tu es un impertinent. Je suis aux ordres de votre Excellence. Fabrice, veux-tu voir la différence qu'il y a entre le marquis et moi? Comment cela? Tiens, Fabrice, te voilà un sequin. tâche qu'il t'en donna également. Merci, illustrissime. Excellence. Non, moi je ne le jette pas mon argent par les fenêtres comme certains font. Non, alors va-t'en. Le ciel vous bénisse, illustrissime monsieur le comte. Excellence. Mais va, va, te dis-je. Ah, celui-là, il serait grand temps qu'il apprit que lorsqu'on voyage, ce ne sont pas des titres qu'il faut pour se faire respecter, mais des gros sous. Illustrissime, excellence. Dites donc, vous pensez peut-être m'écraser avec vos largesses, mais vous vous trompez. Mon rang, monsieur, vaut toutes vos pièces de monnaie. Oh, vous savez, mes pièces de monnaie n'ont de valeur pour moi que parce que je peux les dépenser. Oh, et bien alors, dépensez-les à tour de bras. De toute manière, Mirandoline ne fait pas le moindre cas de vous. Vous croyez donc que votre titre ronflant l'impressionne? Non, ce qu'il lui faut, c'est de l'argent. De l'argent? Non, ce qu'il lui faut, c'est de la protection. La protection de quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? De quelqu'un qui puisse, le cas échéant, lui rendre un service. Oui, de quelqu'un qui puisse, le cas échéant, lui prêter 100 doublons. Non, une femme a besoin de se faire respecter. Quand l'argent ne fait pas défaut, tout le monde vous respecte. Mais vous ne savez pas ce que vous dites, mon cher. Je le sais mieux que vous, mon cher. Oh. Pourquoi ce bruit? Seriez-vous en désaccord? Un peu, mon cher chevalier. Nous disputions sur un point d'importance. Oui, monsieur le comte disputait avec moi sur les mérites de la noblesse. Ah. Je ne conteste pas les mérites de la noblesse, mais je soutiens que pour se passer des caprices, il faut de l'argent. Ma foi, mon cher marquis. Non, allons, parlons d'autre chose. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous quereller de la sorte? Le motif le plus ridicule du monde. Ah, bravo, bravo, le comte tourne tout en ridicule. Monsieur le marquis aime notre hôtesse. Moi, je l'aime encore plus que lui. Oh. Il prétend être payé de retour comme un tribut à sa noblesse. Moi, j'espère l'être, en récompense de mes attentions. Ne vous semble-t-il pas que la question soit ridicule? Non, mais il faut savoir avec quelle ardeur je protège Mirandoline. Il la protège et moi, je dépense. Ma foi, il n'est pas de chose qui mérite moins que l'on se dispute pour elle. C'est une femme qui vous oppose, qui vous bouleverse. Une femme. Que ne faut-il pas entendre? Il n'y a certes pas de danger que je me querelle jamais avec quelqu'un à propos d'une femme. Moi, messieurs, je n'ai jamais aimé les femmes. Je ne les ai jamais estimées. Et je soutiens hautement que la femme est pour l'homme une insupportable infirmité. Oh, non, mais chevalier, Mirandoline est une femme exceptionnelle. Oh, jusque-là, parce que le marquis a raison. L'exquise patronne de cette auberge est vraiment adorable. Puisque je l'aime, moi, vous pouvez être sûr qu'il y a en elle quelque chose de grand. Ma foi, vous me faites rire. Que peut-elle donc avoir de si extraordinaire et qui ne soit pas commun aux autres femmes? Elle a un je ne sais quoi de noble qui vous enchaîne. Oh. Elle est belle, elle s'exprime bien, elle s'habille avec élégance, et elle a le meilleur goût du monde. Voilà. Toutes choses qui ne valent pas tripette. Il y a 3 jours que je suis ici, et elle ne m'a pas produit le moindre effet. Regardez-la mieux, et vous ne l'engraîtrez pas. Mais que racontez-vous là? J'ai suffisamment regardé pour savoir que c'est une femme comme les autres. Non, ça, elle n'est pas comme les autres. Elle a quelque chose de plus. Tenez-moi qui ai fréquenté les plus grandes dames. Je n'en ai jamais trouvé une seule qui sut, comme elle, unir le charme et la bienséance. Par la barbe de Bacchus, j'ai l'habitude des femmes. J'en connais les défauts et les faiblesses. Mais celle-ci, malgré une cour assidue et malgré toutes les dépenses que j'ai faites pour elle, je n'ai même pas pu lui caresser le petit doigt. Rouri? Rouri suprême! Pauvre nigo que vous êtes, vous y êtes laissé pendre, n'est-ce pas? Mais avec moi, ça ne marcherait pas. Au diable les femmes, au diable tout autant qu'elles sont. Vous n'avez donc jamais été amoureux? Jamais. Et je ne le serai jamais. On a fait des pieds et des mains pour me marier, mais je m'y suis toujours refusé. Comment? Vous voulez donc que votre nom s'éteigne avec vous? Non, je ne le voudrais pas. C'est une chose à laquelle j'ai songé plus d'une fois. Mais lorsque je considère que pour avoir des héritiers, il me faudrait s'ouvrir une femme, l'envie m'en passe aussitôt. Qu'allez-vous faire de votre fortune? Oh, jouir avec mes amis. Oh, bravo, chevalier, bravo. Et tenez, je saisis l'occasion pour vous répéter combien votre amitié m'honore. Et les femmes n'auront rien. Absolument rien. Même pas les miettes. Je vous le garantis. Voici notre hôtesse. Regardez-la bien et dites-moi si elle n'est pas adorable. Fut-elle 1000 fois plus belle que Vénus, je lui préférerais le plus médiocre des chiens de chasse. Saluablement, vos seigneurs. Quel est celui de ces messieurs qui m'a demandé? C'est moi qui ai souhaité votre présence, mais pas ici. Où donc votre excellence la souhaite-t-elle? Dans ma chambre. Dans la chambre de votre excellence? Oui. Mais si votre excellence a besoin de quelque chose, Fabrice est à sa disposition. Dites-moi, chevalier, que dites-vous de cette réserve? Marquis, ce que vous nommez réserve, moi je le nommerais plutôt effronterie et impertinent. Chère Mirandoline, moi je vous parlerai en public, car je ne veux point vous donner le dérangement de venir dans ma chambre. Regardez ces boucles d'oreilles. Vous plaisent-elles? Oh, elles sont fort belles. Vous savez, ce sont des diamants. Je l'avais bien vu. Elles sont à vous. Oh, mon cher comte, c'est du gaspillage. Pourquoi monsieur le comte me donnerait-il ces boucles d'oreilles? Ah, oh, ça, beau cadeau, vraiment. Celles qu'elle a aux oreilles sont deux fois plus belles. La mouture de celle-ci est plus à la mode. Mirandoline, je vous prie de les accepter pour l'amour de moi. Non, non, vraiment, monsieur le comte. Non, je ne puis. Vous me fâcherez si vous ne les prenez pas. Je ne sais que dire. Je vous en prie, Mirandoline. Je tiens à cœur de me garder l'amitié des chalands de ma maison. Je suis donc bien forcée de prendre ces boucles d'oreilles pour ne pas fâcher monsieur le comte. Eh bien, chevalier, que dites-vous de cette grâce dans la répartie? Ah oui, vous pouvez parler de grâce dans la répartie. Quelle fine bouche, elle croque vos diamants et ne vous remercie même pas. Ah, ma foi, monsieur le comte, vous pouvez être fier de vous. Faire un cadeau à une femme en public, mais quelle vanité! Ah, Mirandoline, moi je suis gentilhomme. Et c'est pourquoi je désire vous parler entre quatre yeux. Si l'on n'a pas besoin de moi autre part, je viendrai. Dites-moi, patronne, le linge que vous m'avez donné ne me plaît pas. Si vous n'en avez pas de meilleur, j'en ferai acheter par mon valet. Que monsieur ne se donne pas cette peine. Monsieur va en avoir du meilleur. Monsieur va être servi selon ses désirs. Bien. Mais il me semble que monsieur aurait pu réclamer avec un peu plus de gentillesse. Là où je paie de mon argent, je ne vois pas la nécessité de faire des cérémonies. Mirandoline, ayez de l'indulgence pour lui. C'est l'ennemi juré des femmes. Je n'ai pas besoin de son indulgence. Mais comment ont-elles donc fait, ces pauvres femmes, monsieur le chevalier? Pourquoi cette cruauté envers nous? Il suffit. Et ne vous permettez plus ces familiarités avec moi. Changez mon linge, c'est tout ce que je vous demande. Bien, monsieur le chevalier. Mes amis, je suis votre humble serviteur. Quel sauvage! Oh, je n'ai jamais vu son pareil. Chère Mirandoline, tout le monde ne sait pas reconnaître vos mérites. Ma foi, je suis si écœurée par son mauvais procédé que tout à l'heure, je vais lui donner carrément congé. Oh, c'est ça, c'est ça. Et s'il refuse de s'en aller, dites-le moi, ça, je le ferai partir immédiatement. Ah, ne craignez pas de faire appel à ma protection. Et moi, je vous dédommagerai de votre manque à gagner. Écoutez, Mirandoline, pendant que vous y êtes, renvoyez donc aussi le marquis. Merci, mes bons messieurs, merci. Mais je suis assez grande pour dire moi-même à un voyageur que je ne veux plus de sa clientèle. Quand on manque à gagner, je n'ai jamais une seule chambre libre. Monsieur le comte, il y a quelqu'un qui vous demande. Sais-tu qui c'est? Je crois que c'est un joaillier. Va lui dire que je viens. Bien, illustrissime. Patronne, soyez raisonnable. Votre place n'est pas ici. Non, toi, occupe-toi de ce qui te regarde. Non. C'est un joaillier qui doit me montrer un bijou. Ah, vraiment? Oui. Car les boucles d'oreilles de Mirandoline réclament un compagnon. Oh non, monsieur le comte. Mirandoline, vous méritez tout ce que l'argent peut acheter. Et pour moi, l'argent n'a pas de valeur. Je vais voir ce bijou. À bientôt, Mirandoline. Marquis, je vous salue. Moi de même. Maudit comte, il m'assassine avec son argent. Vraiment, monsieur le comte se donne trop de mal. Oh, les gens comme lui, je les connais comme si je les avais faits. Ils ont 4 sous et non de cesse qu'ils les aient dépensés par vanité, par orgueil. Le monde n'a pas de secret pour moi. Ma foi, pour moi non plus. Et ce sont ces mêmes gens qui se figurent que l'on peut gagner le cœur d'une femme comme vous avec des cadeaux. Oh. Vous savez, les cadeaux n'ont jamais fait de mal à personne. Mais moi, je croirais vous faire injure si je cherchais à vous obliger par des présents. Bien, monsieur le marquis peut être sûr qu'il ne m'a jamais fait injure. Et vous, vous pouvez l'être que vous n'aurez jamais rien à me reprocher de ce genre. Oh, j'en suis convaincue. Mais en revanche, vous pouvez disposer de moi dans toute la mesure de mes moyens. Ah, il faudrait peut-être que je sache quels sont exactement les moyens de votre excellence. Mettez-moi à l'épreuve. Pour vous, je suis capable de tout. Mais de quoi, par exemple? Corbleu, vous avez un mérite qui surprend. Non, votre excellence est trop indulgente. Et si je ne m'en retenais, je dirais presque une sottise. Oui, je maudirais presque mon rang. Pourquoi cela, monsieur le marquis? Tenez, parfois, je souhaiterais même être à la place du comte. Sans doute à cause de sa fortune. Sa fortune? Je m'en soucie comme d'une guigne, moi, de sa fortune. Non, si j'étais comme lui, un comte pourri. Que feriez-vous? Ce que je ferais? Oui. Eh bien, par les cornes du diable, je vous épouserai. Oh, monsieur le marquis plaisante. Mais non, je ne plaisante pas. Et c'est pourquoi, du reste, je m'en vais avant d'oublier tout à fait que je suis un folle popole. Ah. Vraiment, c'est trop d'honneur que me fait ce pauvre marquis. Mais même s'il songeait sérieusement à m'épouser, il y aurait une petite difficulté. Je ne voudrais pas de lui, car j'aime trop le rôti pour pouvoir me contenter de son simple fumet. Du reste, si j'avais épousé tous ceux qui me l'ont demandé, j'aurais plus de mari que le grand Turc n'a de femme. Mais c'est vrai. Autant il en vient ici, autant qu'il s'éprenne de moi et qu'il m'offre de m'épouser sur le champ. Il n'y a que ce chevalier. Oh, si rustre qu'un ours qui m'est traité avec un tel dédain. Et j'avoue que sa froideur me remue terriblement la bile et que... Et patronne ! Qui a-t-il, Fabrice ? Le voyageur qui est dans la chambre du milieu pousse les hauts cris au sujet du linge. Il dit qu'il est ordinaire et qu'il n'en veut pas. Oui, je sais, il me l'a dit à moi aussi et je vais m'occuper de lui. Très bien. Venez donc prendre ce qu'il faut dans l'armoire que je puisse le lui porter. Non, ne te dérange pas, je lui porterai cela moi-même. Vous voulez le lui porter vous-même ? Eh bien oui, moi-même. Ah, il faut que ce voyageur vous tienne bien à cœur. Tous les voyageurs me tiennent à cœur, Fabrice. Évidemment. Mais du temps de votre père, c'était toujours moi qui m'occupais des voyageurs. Bon, tu n'es pas assez aimable avec eux. Et vous, vous l'êtes un peu trop. Ah, je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'ascenseur. Bon. Vous pouvez vous chercher un autre valet. Et pourquoi cela, monsieur Fabrice ? Monsieur Fabrice en aurait-il assez de moi ? Vous vous rappelez ce que nous a dit votre père avant de mourir ? Oui, lorsque je voudrais me marier, je me rappellerai de ce qu'a dit mon père. Moi, j'ai le cuir sensible. Il y a des choses que je ne puis supporter. Oh, mais à la fin, pour qui me prends-tu donc ? Chut. Si je traite bien les voyageurs, c'est dans mon intérêt que je le fais, pour le bon renom de ma maison. Et je te le répète, quand je voudrais me marier, je me rappellerai mon père. Et ceux qui m'auront bien servi ne pourront pas se plaindre de moi. Je suis reconnaissant. Je sais distinguer le mérite. Mais moi, on me méconnaît. Oh, madame. Oh, il suffit, Fabrice. Comprenez-moi si vous le pouvez. Ah, vraiment malin qui pourrait la comprendre. Tantôt, il semble qu'elle veuille de moi, et tantôt qu'elle n'en veuille pas. Enfin, attendons. Oui, je l'aime. Et je m'accommoderai volontiers de la servir tout le reste de ma vie. Pour le moment, il faut fermer un œil et laisser un peu courir. Les voyageurs finissent toujours par s'en aller. Moi, je reste. Et la meilleure part sera toujours pour moi. Pendant que, chacun de leur côté, Mirandoline et Fabrice vaquent à leurs occupations, le misogyne chevalier de Ripafrata est dans sa chambre, en train de décacheter une lettre, qu'Arlequin, son valet, vient de lui remettre. Eh bien, qu'attends-tu, Arlequin ? Va me chercher mon chocolat. J'y cours, illustrissime, j'y cours. Ah, qui m'écrit ? Ah, c'est Horace Tacagne. Mon très cher ami, la grande affection qui me lie à vous m'incite à vous conseiller de revenir sans tarder à Sienne. Le comte Manna est mort. Oh, le pauvre gentilhomme. J'en suis navré. Laissant comme héritière d'une fortune évaluée à plus de 150 000 écus, sa fille unique qui est maintenant en âge de se marier. Tous vos amis qui souhaiteraient que cette fortune vous échue sans emploi, ils ont bien tort de se fatiguer pour moi, je ne leur demande rien. Que m'importe ces 150 000 écus ? Aussi longtemps que je suis célibataire, il me suffit de beaucoup moins. Et si je ne l'étais plus, beaucoup plus ne me suffirait pas. Moi, contracter mariage. Ah, plutôt contracter la fièvre carte. Entrez. Cher ami, voyez-vous un inconvénient à ce que je vienne passer un petit moment avec vous ? C'est un honneur que vous me faites, marquis. Ah, merci. N'est-ce pas, vous et moi, nous pouvons traiter sur un pied d'égalité, mais cette brute de comte n'est pas digne de notre compagnie. Cher marquis, excusez-moi, mais si vous ne voulez pas que l'on dise du mal de vous, n'en dites pas d'autrui. Vous savez comment je suis de nature, courtois avec tout le monde, mais cet homme-là, je ne peux pas le souffrir. Vous ne pouvez pas le souffrir, parce qu'il est votre rival en amour. Quelle honte. Un gentilhomme de votre rang sait prendre d'une aubergiste. Un sage tel que vous, courir après une femme. Oh, mon cher chevalier, elle m'a ensorcelé. Ensorcelé ? Oui. Faribole que cela. Oh non. Comment se fait-il que moi, les femmes ne m'ensorcellent pas ? Je ne sais pas. C'est que tout leur pouvoir magique se réduit à des grimaces et à des minauderies. Et que ceux qui, comme moi, s'en tiennent à l'écart ne risquent pas de se laisser envoûter. Oui, mais enfin, assez sur ce sujet qui, du reste, m'occupe sans m'occuper. Non, ce qui me tracasse et m'inquiète, c'est mon fermier. Ah, Oui. Il a fait des siennes. Ah, il m'a manqué de parole. Oh, j'en suis désolé. Voici votre chocolat, illustrissime. Je donne tout de suite une autre tasse, Harlequin. Mais il n'y en a que pour un, illustrissime. Eh bien, qu'on en fasse d'autres. Bien, illustrissime. Marquis, si vous daignez accepter cette tasse... Oh, mais volontiers. Je vous disais donc que mon satané fermier m'avait forfaitement promis de m'envoyer par l'ordinaire la somme de 20 sequins. Et il ne me l'a pas envoyé. Bah, ce soit pour une autre fois. Mais certes, mais... N'est-ce pas? Mais l'ennui, c'est que j'ai d'importants engagements à remplir et que je ne sais comment faire. 8 jours de plus, 8 jours de moins. Oui, mais vous qui êtes gentilhomme, savez ce que cela veut dire quand on a donné sa parole. Mmh. Je me suis engagé à... par les pompes de Bacchus. Si je tenais ce maudit fermier, je le rouerais de coups. Je suis fâché de vous voir ennuyé, mais... Alors, cela vous dérangerait-il beaucoup de me rendre le service pour 8 jours? Mon cher marquis, si je le pouvais, ce serait de grand cœur. Mais... Oui, croyez bien que si j'avais de l'argent, je vous l'aurais offert sur le champ, mais je n'en ai pas. Et moi aussi, j'en attends. Mais vous ne voudriez pourtant pas me faire croire que vous êtes tout à fait démuni. Regardez, voici toute ma fortune. Il n'y a même pas 2 sequins. Comment? Mais c'est un sequin d'or que vous avez là. Oui, et c'est aussi le dernier. Alors prêtez-le-moi, ça me permettra d'attendre. Mais il ne me restera rien. Oh, mais de quoi avez-vous peur? Voyons, je vous le rendrai. Que voulez-vous que je vous dise? Prenez. Oh, merci, mon ami, merci. Mais une affaire urgente m'appelle, oui. Alors pardonnez-moi, oui, je suis forcé de vous quitter, n'est-ce pas? Oui. Nous nous reverrons et je n'ai... Alors, monsieur le marquis qui voulait me filouter de 20 sequins s'est finalement contenté d'un seul. Peu m'importe de perdre un sequin. Et s'il ne me le rend pas, il ne pourra plus venir m'importuner. Non, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il ait bu mon chocolat. Entrez. Illustrissime, seigneurie, permet-elle? Que voulez-vous? J'apporte à votre seigneurie du linge de meilleure qualité. Posez-le sur le guéridon. Oh, je supplie votre seigneurie de daigner au moins regarder si ce linge lui convient. C'est de la toile? C'est du fil, illustrissime. Du fil? Du fil? Mais oui, monsieur le chevalier, du pur fil à 30 paolinones. Je n'en demandais pas tant. Il me suffisait d'avoir des draps un peu plus fins que ceux que vous m'avez donnés. Mais ces draps-ci, je les ai ourlés et brodés moi-même, à l'intention des voyageurs de qualité. Et quand je dis des voyageurs de qualité, je veux surtout dire ceux qui savent reconnaître ce qui est beau. Mais pour vous parler franchement, illustrissime, je vous les donne parce que c'est vous. Mmh. Un autre, je crois bien que je ne les donnerai pas. Parce que c'est vous. La formule habituelle. Et maintenant, examinez le service de table. De la vraie toile de Flandre. Oh, de la toile de Flandre. Il paraît que ça rétrécit beaucoup pour lavage. Je ne voudrais pas que vous salissiez tout cela pour moi. Quand il s'agit d'un gentilhomme de votre qualité, on ne regarde pas à d'aussi infimes détails. Du reste, j'ai plusieurs de ces serviettes et je les réserve au service de votre illustrissime seigneurie. Remettez ce linge à mon valet ou posez-le quelque part. Inutile que vous vous donniez tout cela. Oh, mais servir des gentilshommes du plus haut mérite, ce n'est pas se donner du mal. Au contraire. Bien. Eh bien, je n'ai plus besoin de rien. Elle voudrait m'amadouer. Ah, les femmes toutes les mêmes. Je vais le mettre dans l'alcôve. Mettez-le où vous voudrez. Oh, il a de la résistance. J'ai bien peur de n'arriver à rien. Il n'y a que les nigauds pour écouter ses beaux discours, y croire et s'y laisser prendre. Eh bien, voici votre linge rangé. Ah, que désirez-vous pour déjeuner? Je mangerai ce qu'il y aura. Bon, j'aimerais pourtant connaître les goûts de monsieur. S'il a des préférences, qu'il le dise franchement. Si je désire quelque chose de particulier, je le dirai au garçon. Non, pour ces choses-là, les hommes n'ont pas la même compréhension et la même patience que nous autres femmes. Si vous avez par hasard envie d'un petit ragoût ou d'une petite sauce spéciale, ayez l'obligeance de me le dire. Je vous en prie. Je vous remercie. Mais ce n'est pas non plus par ce biais que vous réussirez à faire de moi ce que vous avez fait du comte et du marquis. Oh oui, n'est-ce pas? Que dites-vous de la présomption de ces deux gentilshommes? Ils arrivent dans une auberge pour s'y loger et ils prétendent ensuite filer le parfait amour avec l'hôtesse. Oh, j'ai bien autre chose en tête que de prêter l'oreille à leur fadaise. J'ai à gagner ma vie, moi. Et si je consens parfois à leur dire une parole aimable, c'est parce qu'il faut toujours être poli avec les clients. Mais quand je les vois se flatter de je ne sais quelle illusion, ça me fait rire comme une folle. Bravo. Votre sincérité me plaît. Ah, c'est bien ma seule qualité. Cependant, lorsqu'on vous fait la cour, il me semble que vous savez feindre. Moi? Feindre? Ah, le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux messieurs qui prétendent se mourir d'amour pour moi si je leur ai jamais donné la moindre marque d'affection. Ou si je n'ai jamais plaisanté avec eux de façon à leur permettre de croire justifier leurs prétentions. certes, je ne les rapproche point. Mon intérêt me l'interdit. Mais il s'en faut de peu. Voyez-vous, je ne suis plus une enfant, je ne suis pas particulièrement belle, mais j'ai pourtant eu bon nombre d'occasions de me marier très avantageusement. Eh bien, ces occasions, je n'ai jamais voulu en profiter, car j'estime trop ma liberté. Oh oui, la liberté est un grand trésor. Il y a tant de gens qui la perdent sottement. Oh, mais que suis-je en train de dire là? Votre illustrissime seigneurie est peut-être mariée. Le ciel m'en préserve. Les femmes, je n'en veux pas. Oh, comme vous avez raison. Puissiez-vous toujours penser de la sorte, car les femmes, monsieur... Mais il suffit, ce n'est pas à moi d'en dire du mal. Vous êtes bien la première femme que j'entends parler ainsi. Bon, c'est que nous autres aubergistes voyons et entendons pas mal de choses. Et en vérité, je suis pleine d'indulgence pour les hommes qui ont de l'éloignement pour notre sexe. Ah, et maintenant, avec la permission de votre illustrissime seigneurie... Vous êtes pressée? Je ne voudrais pas être importune. Mais non, vous me divertissez, vous m'amusez. Et vous voyez, monsieur, c'est ainsi que je fais avec les autres messieurs. Je m'attarde un instant, je me montre gaie, je dis quelques petites plaisanteries pour les divertir, et ils se figurent tout de suite. Vous me comprenez? Cela provient de ce que vous avez de gracieuse manière. Oh, votre illustrissime seigneurie est trop bonne. Pourtant, s'ils s'éprennent aussi vite de vous, c'est peut-être à vous qu'il faut vous en prendre. Mais a-t-on idée de s'éprendre aussi vite d'une femme? C'est évidemment là une chose que je n'ai jamais pu comprendre. Mais le contraire s'expliquerait mieux. Nous autres femmes n'avons pas votre force d'âme. Une force d'âme dont la faiblesse de certains de mes pareils me fait bien souvent douter. Oh, il ne faut pas en douter. Ah, monsieur le chevalier, donnez-moi votre main. Pourquoi voulez-vous que je vous donne la main? Je vous en prie, monsieur le chevalier. Alors, voici ma main. Ah, merci, monsieur le chevalier. C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main celle d'un homme qui pense vraiment en homme. Bien, bien. Vous l'avez assez tenu ainsi. Ah, si j'avais seulement effleuré la main de l'un de ces deux effrontés, il aurait aussitôt cru que je mourrais d'amour pour lui et serait tombé en défaillance. Mais pour tout l'or du monde, je ne leur permettrais pas la plus petite privauté. Ils ne savent pas vivre. Et pourtant, ah, quelle joie de pouvoir converser ainsi. Oh, mais pardonnez mon impertinence, illustrissime. En tout ce que je puis faire pour vous servir, je suis à vos ordres. Et j'aurai toujours pour vous des attentions que je n'ai jamais eues pour personne d'autre. Qu'est-ce donc qui me vaut une telle partialité? Mais votre mérite, oh, votre rang. Mais aussi et surtout, c'est qu'avec vous, je suis du moins sûre de pouvoir agir selon mon cœur, sans avoir à redouter que vous songiez à vous prévaloir de mon empressement pour me traiter plus mal qu'une servante. En un mot, sans avoir à redouter que vous m'accabliez de prétentions ridicules et de servant pipé. Elle a vraiment quelque chose de singulier qui surprend. Allons, si vous avez affaire, je m'en voudrais de vous retenir davantage. Oui, cela, monsieur, je vais m'occuper des choses de la maison, car c'est là toutes mes amours et mon plus agréable passe-temps. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous enverrai le valet. Bien, mais si vous venez vous-même de temps en temps, je vous verrai volontiers. Bon, à la vérité, j'ai pour règle de ne jamais mettre le pied dans les chambres des voyageurs. Mais pour vous, j'y ferai peut-être parfois exception. Pour moi? Pourquoi? Parce que votre illustrissime seigneurie me plaît. Infiniment. Je vous plais, moi? Oui, parce que vous n'êtes pas un homme à femme et que vous n'êtes pas de ceux qui s'amourachent de la première venue. Et là, attention. Voici une femme qui, si je n'y prenais pas garde, pourrait mieux que les autres me faire trébucher. Mais ce n'en est pas moins une femme, et comme toutes ces pareilles, au diable, au diable! Mais l'auberge tenue par Mirandoline ne reçoit pas que des clients masculins. Deux voyageuses, deux très élégantes voyageuses viennent d'y arriver. Et Fabrice les fait respectueusement entrer dans une sorte de salon. Si vos illustrissimes seigneuries veulent bien s'installer ici, le temps que l'on prépare leurs appartements. Ici, vos illustrissimes seigneuries pourront prendre leur part, recevoir... Bien, bien. Qui êtes-vous? le patron ou le valet? Ah, je ne suis que le valet, aux ordres de votre illustrissime seigneurie. Tu entends, Hortense, il nous donne de l'illustrissime seigneurie. Eh bien, nous n'avons à notre tour qu'à lui donner la réplique. Valet! Illustrissime! Dites à votre patron de venir ici. Je désire m'entendre avec lui sur les conditions. Je cours sur le champ chercher la patronne. Mais il nous a prises pour deux femmes de qualité. Tant mieux, nous n'en serons que mieux traitées. Mais aussi, nous risquons de payer davantage. Oh, ne t'inquiète pas pour la note, j'en fais mon affaire. Je ne voudrais pas que notre anoblissement nous attira des ennuis. Oh, ma chère Déjanire, tu manques vraiment de courage. Pourquoi voudrais-tu que deux comédiennes qui excellent à jouer les comtesses, les marquises et les princesses sur la scène d'un théâtre aient de la difficulté à tenir un rôle analogue sur celle d'une auberge? Ah, mais l'arrivée de nos camarades nous démaquillera sur le champ. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils seront à Florence. Pour venir ici de Pise par le coche d'eau, il faut au moins 3 jours. Quelle idée leur a pris de venir par le coche d'eau? Faute de picaillons, ils ne pouvaient faire autrement. Oh, c'est déjà beau que nous ayons pu venir à calèche. Cette représentation supplémentaire que nous avons donnée a bien marché. Oui. Mais si je ne m'étais pas occupée de la caisse, on ne faisait pas un sou. La patronne va être là dans un instant. Bien. Vos illustrissimes seigneuries n'ont-elles rien à m'ordonner? Non. J'ai déjà servi d'autres dames de qualité. Et je me ferai un honneur de servir, avec toute l'attention possible, vos illustrissimes seigneuries. Le cas échéant, nous ferons appel à vous. En attendant, je supplie vos illustrissimes seigneuries de me faire l'honneur de me donner leur nom très honoré, afin que je les inscrive sur ce petit registre. Ça va se gâter. Pourquoi faut-il que je vous donne mon nom? Nous autres aubergistes sommes obligés de demander le nom, la résidence, le pays d'origine et la condition de tous les voyageurs qui viennent loger chez nous. Et si nous ne le faisions pas, gare à nous. Hortense, c'en est fait de notre noblesse. Tais-toi. Il y en a beaucoup qui doivent donner de faux noms. Quant à cela, nous autres, nous écrivons le nom qu'on nous dit sans chercher plus loin. Alors écrivez, baronne Hortense dal Poggio de Palerme. Baronne Hortense del Poggio de Palerme. Et votre seigneurie? Allons, allons, comtesse Déjanire, mais dites-lui votre nom. S'il plaît à votre seigneurie. Vous ne l'avez pas entendu? Son illustrissime seigneurie, madame la comtesse Déjanire, quel nom de famille? Il vous faut aussi le nom de famille. Mais oui, dal Sole de Rome. Dal Sole de Rome, c'est tout ce qu'il me faut. Que vos seigneuries me pardonnent mon indiscrétion. Maintenant, madame va être là d'un instant à l'autre. Je suis la très humble servante de madame la baronne. Comtesse, je vous salue. À quelle bonne fortune noie-je l'immense joie de pouvoir vous exprimer mon très profond respect. Oh, de la source de votre cœur ne peuvent jaillir que des torrents de grâce. Baronne, vous me flattez. Comtesse, pour rendre justice à vos mérites, il faudrait une bien plus grande éloquence que la mienne. Oh, j'ai une telle envie de rire que je m'en étouffe. Oh, attention, je crois que voici la patronne. Salut très respectueusement, vos seigneuries. Bonjour, petite, bonjour. Madame la patronne, je vous salue bien. Attention, ma chère, tu es mauvaise. Votre seigneurie permet-elle que je lui baise les mains? Vous me le demandez si poliment que je ne puis refuser. Tenez. Et votre seigneurie? Oh, mais non, c'est pas la peine. Allons, ma chère, faites ce plaisir à cette jeune femme, elle est si polie. Je vous en prie. Voici ma main. Mais qu'est-ce donc qui fait rire ainsi votre illustrissime seigneurie? Cette chère comtesse rit encore d'une sottise que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui! Oui, et maintenant, petite, il va falloir que nous nous mettions d'accord sur les conditions. Oh, la chose ne presse pas. Oh, si, si, il est vrai. Oh, mais ces dames ne sont sans doute pas seules. Si. Ah. C'est-à-dire que le baron, mon mari... Madame la comtesse... semble d'humeur très gaie. Eh bien, comtesse, qu'avez-vous à rire maintenant? Je ris, baronne, parce que je pense à votre baron de mari. Certes, le baron est un joyeux cavalier. Il plaisante tout le temps. Le comte Horace, qui est le mari de madame, et lui vont bientôt venir nous rejoindre. Et voyons, comtesse! Même la comtesse rirait-elle maintenant parce qu'elle pense à monsieur le comte? Allons, allons, comtesse, dominez-vous un peu. Mesdames, de grâce. Nous sommes seuls et personne ne peut nous entendre. Ce comté, cette baronnie, ne serait-il pas... par hasard... Que voulez-vous dire? Songeriez-vous à mettre en doute notre noblesse? Que votre seigneurie me pardonne et je la supplie de ne point s'emporter, car cela ferait encore rire, madame la comtesse. Oh, voyons à quoi bon. Ah, comtesse, je vous en prie. Madame la comtesse, je crois savoir ce que voulait dire votre illustrissime seigneurie. S'il en est ainsi, j'ai plutôt de l'admiration pour vous. Votre seigneurie, madame la comtesse, voulait dire à quoi bon jouer les grandes dames, puisque nous sommes deux roturières. N'est-ce pas que j'ai deviné juste? Eh bien oui. Vous nous connaissez donc? Ah, oh, quelle bonne comédienne, incapable de soutenir un personnage jusqu'au bout. Oh, moi, je ne sais feindre que sur scène. Allons, allons, mesdames, je vous avouerai que j'aime infiniment les gens d'esprit. Mais oui, visez donc à votre aise de mon auberge et soyez-y comme chez vous. Je vous demande seulement s'il m'arrivait des personnes de haut rang de me céder cet appartement. Mais rassurez-vous, je vous donnerai en place deux petites chambres très confortables. Vous êtes trop aimable. Ouh, mais moi, quand je dépense mon argent, j'entends être servie comme une grande dame. Je suis dans cet appartement et je n'en partirai pas. Voyons, voyons, madame la baronne, soyez gentille. Pardon, peut-on entrer? C'est un gentilhomme qui loge ici. Riche. Oh, je ne me mêle pas de ses affaires. Je suis le serviteur de vos seigneurs. Votre très humble servante, monsieur. Je vous salue respectueusement. Ces dames sont étrangères, Mirandoline? Oui, Excellence. Oui, elles ont bien voulu honorer ma maison de leur présence. Oh, tu entends déjà Nir? Elle l'appelle Excellence. Je suis sûre que tu vas le vouloir pour toi. Et peut-on savoir qui sont ces dames? Mais, madame est la baronne Del Poccio et madame la comtesse déjà Nir dal Sole. Oh, Excellence. Oh, mais très grande famille. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Moi, je suis le marquis de Forlipopo. Oh, c'est un honneur et une joie pour moi de faire la connaissance d'un gentilhomme aussi accompli. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit, n'est-ce pas, disposez de moi. Je me réjouis que vous soyez venu loger ici, n'est-ce pas? Vous verrez, la patronne est une femme exceptionnelle. Oui, ce gentilhomme est plein de bonté, il m'honore de sa protection. Oui, oui, certainement, je la protège et je protège aussi tous ceux qui descendent chez elle. Ainsi, s'il vous faut la moindre chose, je vous le répète, disposez de moi. Et le cas échéant, je me prévaudrai de votre obligeance. Et vous aussi, comtesse, usez de moi, je vous en prie. Certes, si j'ai l'honneur d'être comptée au nombre de vos très humbles servantes, j'aurai lieu de m'estimer heureuse. Ma parole, baronne, c'est une réplique de comédie. Oh, son titre de comtesse l'a intimidée. Monsieur le marquis, quel superbe mouchoir vous avez là. Qu'en dites-vous? Il est beau, n'est-ce pas? Ai-je assez bon goût? Ah, certes, monsieur le marquis a le meilleur goût du monde. Baronne, en avez-vous jamais vu d'aussi beau? Oh, il est splendide. Je n'en ai jamais vu de pareil. C'est un mouchoir qui vient tout droit de Londres, comtesse. Il est vraiment très beau. Il me plaît beaucoup. Ai-je assez bon goût? Voyez-vous, Mirandoline, cela me chiffonne que le comte ne sache pas dépenser son argent. Ah, tenez, ce n'est pas lui qui achèterait un mouchoir comme celui-là. Attendez, que monsieur le marquis s'y connaît, lui. Il sait choisir et voir ce qui est vraiment bon. N'est-ce pas, ce mouchoir demande à être plié très soigneusement afin qu'il ne s'abîme pas. Oui. Alors, tenez, Mirandoline. Prenez-le. Vous désirez que je le fasse porter dans votre chambre? Non, portez-le dans la vôtre. Dans la mienne? Pourquoi cela? Mais parce que je vous le donne. Excellence, pardonnez. C'est ainsi, je vous le donne. Je n'en veux pas, mais moi. Mais ne pas mettre en colère. Quant à cela, monsieur le marquis, c'est que je ne veux fâcher personne. Ainsi, pour que vous ne vous mettiez pas en colère, je prends ce mouchoir. Oh, le beau jeu de scène, tu ne trouves pas, Hortense? Oui, et après, on parlera des comédiennes. Alors, baronne, qu'en dites-vous? Un mouchoir de cette valeur, et je le donne à mon hôtesse. Oh, vous êtes un gentilhomme généreux. C'est ma nature. Mais voilà bien le premier cadeau qu'il m'ait jamais fait, et je me demande bien d'où il tient ce mouchoir. Monsieur le marquis, est-ce que l'on trouve des mouchoirs comme celui-ci à Florence? Je souhaiterais vivement en avoir un semblable. Oh, comtesse, trouver le frère de celui-ci sera difficile, mais enfin, nous verrons. Monsieur le marquis, vous qui connaissez bien la ville, rendez-moi le service de m'envoyer un bon bottier, car j'ai besoin de souliers. Oh, mais je vous enverrai le mien. Ah, mais cher monsieur le marquis, faites-nous donc l'honneur de nous tenir un peu compagnie. Oh, oui, faites-nous l'honneur de déjeuner avec nous. Oh, mais bien volontiers. Ne soyez pas jalouse, Mirandoline, mais je suis vôtre tout entier, vous le savez bien. Faites donc, monsieur le marquis, je suis contente que vous vous divertissiez. Vous serez notre cavalier servant. Nous ne connaissons personne à Florence que vous. Oh, mes chers dames, mais c'est de grand cœur que je vous servirai. Ah, je vous cherchais partout. Mais j'étais ici avec ces nobles dames. De nobles dames? Oui. Ah, mesdames, je m'incline humblement devant vous. Et je suis votre dévouée servante. J'ai l'impression déjà nir que celui-ci est plus argenté que l'autre. Mirandoline, montrez donc votre mouchoir au comte. Oh, regardez, monsieur le comte, Le beau cadeau que vient de me faire monsieur le marquis. Oh, j'en suis ravi. Bravo, marquis. Mais non, ce n'est rien. C'est rien. C'est une baguette. Rangez-le, Mirandoline. Je ne veux pas que vous en parliez. Ce que je fais ne doit pas savoir. Mirandoline, avec la permission de ces dames, je voudrais vous dire un mot. Mais agissez en toute liberté. Oui. Dites donc, Mirandoline, si vous mettez ce mouchoir dans votre poche, vous allez l'abîmer. Eh bien, je le mettrai dans du coton, afin qu'il ne se froisse point. Mirandoline, regardez ce petit pendentif. Oh, il est très beau. C'est le compagnon des boucles d'oreilles dont je vous ai fait présent. C'est peut-être leur compagnon, mais il est encore plus beau. Allons, pour que vous ayez la parure complète, je vous donne également ce bijou. Oh, il n'est absolument pas question que je le prenne. Vous n'allez pas me faire cette impolitesse. Oh, les impolitesses, ce n'est pas mon genre. J'accepte donc pour ne pas vous fâcher. Eh bien, monsieur le marquis, qu'en dites-vous? Ce bijou n'est-il pas d'un goût exquis? Oui, mais dans son genre, mon mouchoir est de bien meilleur goût. Oui, mais d'un genre à l'autre, il y a une certaine différence. Allons. La belle chose que de se vanter en public d'une grande dépense. Oui, on le sait. Vous, c'est en secret que vous faites vos largesses. Bon, ça va. Bon, alors ainsi, chère baronne et chère comtesse, je vais être des vôtres à déjeuner. Peut-on savoir qui est votre seigneurie? Je suis le comte d'Albafiorite, pour vous servir. C'est une famille illustre, je la connais. Je suis également à vos ordres, madame. Vous logez ici, comte? Oui, madame. Et vous comptez y rester longtemps? Eh bien, mon Dieu, je crois que oui. Ça va. Mesdames, mais vous devez être lasse de rester debout. Voulez-vous que je vous accompagne jusqu'à vos appartements? Très obligé, marquis. D'où êtes-vous, comte? De Naples. Nous sommes presque pays. Moi, je suis de Palerme. Moi, je suis de Rome. Mais j'ai séjourné à Naples et je souhaitais justement rencontrer un gentilhomme napolitain au sujet d'une mienne affaire. Je suis à votre disposition, mesdames. Vous êtes seule? N'avez-vous pas de cavalier servant? Allons, comte. C'est dame. Oui, monsieur le comte, nous sommes seuls et nous allons vous expliquer pourquoi. Mirandoline. Monsieur le comte? Faites servir un repas pour trois dans mon appartement. Mesdames, daignerez-vous me faire le plaisir? Mais comment se dérober à tant de politesse? Comment? Mais ces dames m'ont invité, moi? Oui, mais ces dames sont libres d'agir à leur guise. Mais je vous préviens que l'on ne peut pas tenir plus de trois à ma petite table. Ça voudrait bien voir. Venez, monsieur le comte. Monsieur le marquis nous fera l'honneur de sa présence une autre fois. Si vous trouvez ce mouchoir, monsieur le marquis, pensez à moi. Comte, alors ça compte, vous me le paierez. Mais de quoi vous plaignez-vous? Je suis quelqu'un et on n'agit pas ainsi. Mais enfin, il suffit. Elle voudrait un mouchoir. Un mouchoir de cette qualité. Elle n'aura pas. Mirandoline, prenez-en bien soin, n'est-ce pas? Parce que des mouchoirs de cette sorte, on n'en trouve pas. Des diamants, ça, on en trouve, oui. Mais alors, ça, des mouchoirs de cette sorte, non. Oh non. Oh, quelle merveilleuse extravagance. Cher Mirandoline, vous ne m'en voudrez pas trop si je me mets un peu aux ordres de ces deux nobles dames. Pas le moins du monde, monsieur le comte. Du reste, tout cela, c'est pour vous que je le fais, pour augmenter le chiffre de vos bénéfices. Par ailleurs, je suis vôtre, mon cœur est vôtre, et vôtre mes richesses. Oui, au revoir, Mirandoline. Alors, pendant que le comte et le marquis s'occupent de leur noble dame, je vais pouvoir tout à mon aise m'occuper du chevalier. Et nous verrons si je suis capable de jouer mon rôle aussi adroitement que ces deux comédiennes. La chambre du chevalier. Celui-ci se promène en lisant, cependant qu'Arlequin achève de mettre le couvert. Au bout d'un instant, Fabrice entre, porteur d'une soupière qu'il pose sur la table. Arlequin, tu peux dire à ton patron que s'il veut se mettre à table, la soupe est servie. Tu peux le lui dire toi-même. Ouf, il est si extravagant que j'aime mieux ne pas avoir affaire à lui. Et pourtant, il n'est pas mauvais homme. Ouf. Il ne peut pas voir les femmes, mais à part cela, il est aussi gentil qu'un autre. Il ne peut pas voir les femmes. Ah, le pauvre, il ne sait pas ce qui est bon. Illustrissime, si vous voulez bien vous mettre à table, c'est servi. Il me semble que ce matin, on déjeune plutôt que d'habitude. Ah, c'est qu'on vous a servi avant tout le monde. Monsieur le comte d'Albafiorite a eu beau jurer, tempêter, dire qu'il voulait être servi le premier. La patronne a tenu que l'on servit d'abord votre illustrissime seigneurie. Elle est vraiment pleine d'attention pour moi. C'est une femme comme il n'y en a pas deux, illustrissime. J'ai vu pas mal de monde, moi. Eh bien, je n'ai jamais rencontré une hôtesse aussi avenante que celle-ci. En somme, elle te plaît. Ah, hein? Ma foi, si cela ne devait pas mettre monsieur dans l'embarras, je viendrais volontiers me placer comme valet de chambre chez madame Mirandoline. Pauvre imbécile. Qu'est-ce que tu crois que tu y gagnerais? Dame! Alors, donne-moi la suite. Bien, illustrissime. Ah! Ah, illustrissime, une femme comme celle-là, je la servirai comme un petit chien. La suite? Bien, illustrissime. Ma parole, cette Mirandoline ensorcelle tout le monde. Ce qui serait drôle, c'est qu'elle parvienne à m'ensorceler, moi aussi. Allons, qu'aujourd'hui, tout à son aise, elle s'ingénie à me charmer. Demain, je pars pour Livourne. Illustrissime, la patronne dit que si vous n'aimez pas le poulet, elle vous donnerait un pigeon. J'aime tout. La patronne m'a demandé de lui dire si cette sauce plaisait à votre illustrissime seigneurie, car elle l'a préparée de ses propres mains. Vraiment? Elle me soigne. Succulente, cette sauce. Tu peux lui dire que j'ai apprécié sa sauce et que je la remercie. Je lui dirai, illustrissime. Tout de suite, va lui dire tout de suite. Tout de suite. Obéiras-tu, oui ou non? J'y cours, illustrissime, j'y cours. Oui, cette sauce est exquise. Je n'en ai jamais goûté de meilleure. Il est évident que si cette Mirandoline agit toujours de la sorte, elle ne manquera jamais de clients. Bonne table, linge de choix, service soigné. Et puis on ne peut nier qu'elle soit courtoise. Mais ce que j'estime le plus chez elle, c'est sa franchise. Ah, cette franchise est vraiment une belle chose. Pourquoi est-ce que je ne puis voir les femmes? Tout simplement parce qu'elles sont fausses, menteuses, enjôleuses. Mais cette belle franchise... Madame Mirandoline, remercie votre illustrissime seigneurie de l'indulgence que vous témoignez à ses petits talents. Bravo, monsieur le maître de cérémonie, bravo. Et à présent, elle est en train de vous confectionner elle-même certains plats dont je ne saurais dire ce qu'il est. Ah vraiment? Elle est en train? Oui, monsieur. Donne-moi à boire. Sur le champ, monsieur. Allons, pour répondre à tant de prévenances, il va falloir être généreux. Je paierai le double, mais je ne m'attarderai pas ici. Le comte est-il à table? Oui, illustrissime. Il vient tout juste de s'y mettre. Aujourd'hui, il a des invités. Deux dames. Deux dames? Qui cela? Elles sont arrivées ce matin. Je ne sais qui elles sont. Le comte les connaisse? Je crois bien que non. Mais il ne les a pas plus tôt vues qu'il les a invitées à déjeuner. Est-il possible d'être aussi faible? Se lier ainsi avec la première venue. Et ces femmes qui acceptent. Et le marquis est-il à table, lui aussi? Il est sorti et n'est pas encore rentré. La suite? Bien, illustrissime. À table avec deux dames. Moi, avec leurs grimaces, elles me couperaient l'appétit. Vous permettez? Harlequin. À vos ordres. Me débarrasse, madame. Je vous en prie, Excellence. Laissez-moi l'honneur de poser moi-même ce plat devant vous. Servir à table n'est pas votre fête. Oh, monsieur, qui suis-je donc? Une grande dame? Non. Je ne suis que la dévouée servante de ceux qui me font l'honneur de descendre chez moi. Oh. Et vraiment, il me serait tout à fait égal de servir moi-même tous mes clients. Si je ne le fais pas, c'est pour certaines raisons. Je ne sais si vous me comprenez. Oui. Mais avec vous, ces raisons n'existent pas et je le fais volontiers. Je vous remercie. Quel est ce plat? Un petit ragoût que j'ai préparé de mes propres mains. Il doit être bon. Si c'est vous-même qui l'avez préparé, il doit être bon. Ah, monsieur est trop indulgent. Non, je ne sais pas faire grand-chose, mais je voudrais tant être plus habile pour pouvoir contenter un gentilhomme aussi accompli. Demain, je serai à Livourne. Comment? Rien. Si vous avez affaire, ne vous dérangez pas pour moi. Oh, monsieur, j'ai tout mon temps. Ma maison est bien pourvue de cuisiniers et de serviteurs. J'aurais plaisir à savoir si ce plat est de votre goût. Je vais vous le dire tout de suite. Ah, c'est très bon. C'est même exquis. Oh, quelle saveur. Je serais incapable de dire comment c'est fait. C'est que j'ai mes petits secrets, monsieur. Donne-moi à boire, Harlequin. Avec ce plat, monsieur, il ne faut pas boire n'importe quoi. Donne-moi du Bourgogne, Harlequin. Ah, bien. Bravo. Bravo, ça, le Bourgogne est tout à fait ce qu'il faut. Selon moi, du reste, c'est le meilleur des vins. Vous avez bon goût en tout. Oh, la vérité m'oblige à dire que je ne me trompe que rarement. Et pourtant, cette fois-ci, vous vous trompez. Ah, en quoi, monsieur? En croyant que je mérite toutes ces attentions. Ah, monsieur le chevalier. Qu'y a-t-il? Pourquoi ce soupir? Je vais vous le dire. Voyez-vous, des attentions, j'en ai pour tout le monde. Mais ce qui m'attriste, c'est de penser qu'il n'y a que des ingrats. Mais je ne serai pas ingrat avec vous. Oh, quand il s'agit de vous. n'est pas pour quêter des compliments que je fais mon devoir. Non, non, non, non, je sais parfaitement reconnaître. Je ne suis pas aussi rustre que vous le pensez, je vous le répète. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Mais monsieur, ce n'est pas ainsi que je l'entends. Je bois à votre santé. Vous me faites trop d'honneur, vraiment. Ce vin est excellent. Le Bourgogne est ma passion. Si vous en voulez un verre, c'est de bon cœur. Oh, merci, monsieur. Vous avez déjà dîné? Oui, illustrissime. Vous accepterez bien un petit verre. Non, je ne mérite pas tant d'amabilité. Allons, allons, tout bien, tout honneur. Je ne sais que dire, mais comment refuser une offre aussi courtoise? Arlequin, donne un verre. Ah non, non, non. Non, si vous le permettez, je boirai dans celui-ci. Et c'est le mien. Et je m'en suis déjà servi. Eh bien, je connaîtrai vos pensées. Friponne. Il y a quelque temps que je suis sortie de table. Et je crains que cela ne me fasse mal. Il n'y a pas de danger. Si vous vouliez avoir la bonté de me donner un petit morceau de pain. Tenez. Voici un biscuit. Merci. Mais vous semblez mal à l'aise. Voulez-vous vous asseoir? Oh, monsieur, non, ce ne serait pas convenable. Allons, allons, nous sommes seuls. Un siège pour madame Arlequin. Tout de suite, illustrissime. Si monsieur le comte et monsieur le marquis savaient cela, pauvre de moi. Pourquoi donc? Mais 100 fois, ils ont voulu m'obliger à boire ou à manger quelque chose avec eux, et j'ai toujours refusé. Allons, asseyez-vous. Assez bien pour vous obéir. Arlequin? Illustrissime. Ne dis à personne que j'ai fait asseoir Mirandoline à ma table. Ou gare. Bien, illustrissime. Je bois à tout ce que vous aimez, monsieur le chevalier. Merci, charmante hôtesse. Les femmes, bien entendu, sont exclues de cette brinde. Ah oui? Mais pourquoi? Mais je sais que vous ne pouvez pas voir les femmes. C'est vrai. Je n'ai jamais pu les voir. Ah, puissiez-vous ne jamais changer? Je ne voudrais pas... Quoi donc, monsieur? Écoutez, je ne voudrais pas que vous me fissiez changer d'avis. Moi, monsieur? Et comment pourrais-je? Arlequin. Illustrissime. Je voudrais des œufs. Va me faire cuire 2 œufs et quand ils seront prêts, apporte-les-moi. Comment les désirez-vous, vos œufs? Comme tu voudras, dépêche-toi. Compris. Mirandoline, Mirandoline, vous êtes une femme charmante. Oh, monsieur, vous moquez de moi. Écoutez, je m'en vais vous dire quelque chose. Quelque chose de très vrai et qui tourne à votre gloire. Je ne demande pas mieux que de l'entendre. Vous êtes la première femme en ce monde avec qui j'ai eu plaisir à causer. Oh, vous savez, monsieur le chevalier, je ne crois pas y avoir aucun mérite. Oh. Non, mais non, ce sont des choses qui arrivent parfois, de ces sympathies qui naissent entre personnes qui n'ont rien de commun. Moi aussi, ce que j'éprouve pour vous, je ne l'ai éprouvé pour personne d'autre. J'ai bien peur que vous ne vouliez me faire perdre le repos. Oh, voyons, monsieur le chevalier, vous êtes un sage, vous, et ne pouvez agir qu'en sage. La faiblesse vous est étrangère. Mais si jamais vous deviez ne plus être vous-même... Oui. Ah, je vous assure que vous ne me verriez plus ici. Ah. Certes, je ressens en moi un je ne sais quoi qui m'était jusqu'à présent inconnu. Je ne veux pas perdre la tête pour un homme, et surtout pour un homme qui hait les femmes, et qui peut-être désire de m'éprouver pour ensuite mieux se moquer de moi, et c'est maintenant de me tenter par des propos inattendus. Allons, allons, monsieur le chevalier, encore un peu de Bourgogne, s'il vous plaît. Certainement, certainement. Tenez. Merci infiniment. Mais vous ne buvez pas? Si, si, si, si, si, je bois. Monsieur le chevalier. Oui? Vous ne voulez pas trinquer? À la santé des bons amis! Oui, à la santé des bons amis. Et à celle de ceux qui s'aiment. Oh, en tout bien, tout honneur! Oh, en tout bien, tout honneur. Ah, c'est encore moi. Mais, monsieur le marquis... Non, excusez-moi, mon cher, j'ai frappé, mais personne ne m'a répondu. Avec votre permission, monsieur le chevalier, je vais vous laisser. Ne restez! Le marquis, je ne me permets pas de telle liberté avec vous. Oh, je vous demande pardon, mais nous sommes amis, et je croyais que vous étiez seul. Mais je me réjouis néanmoins de vous trouver en compagnie de notre adorable hôtesse. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas que la duchesse? Monsieur le marquis, j'étais là pour le service, mais j'ai été prise d'un léger malaise. Oh. Oui, monsieur le chevalier m'a donné un verre de Bourgogne pour me réconforter. Ah, c'est du Bourgogne que vous avez là, chevalier? Eh oui, c'est du Bourgogne. Du vrai Bourgogne? Du moins... On me l'a vendu comme tel. Attendez, moi je m'y connais. Faites-le-moi goûter, je pourrai vous dire si c'est ou non du vrai Bourgogne. On va vous donner un verre. Illustrissime. Arlequin, ah bah tu arrives à point. Donne un verre à monsieur le marquis. Bien, illustrissime. Ah non, non, non, pas trop petit ce verre. Le Bourgogne n'est pas une liqueur. Pour l'apprécier, il faut en boire suffisamment. Voici vos œufs, illustrissime. Non, je n'ai plus faim, tu peux les remporter. Comment, alors, qu'est-ce que c'est que ce plat? Des œufs. Ouf, j'ai horreur des œufs. Monsieur le marquis, avec la permission de monsieur le chevalier... Goûtez donc ce petit ragoût. C'est moi-même qui l'ai préparé. Ah oui, ah, petit, alors un siège et une fourchette. Allons, Arlequin, donne un couvert. Bien, illustrissime. Ah, monsieur le chevalier, je me sens mieux maintenant, je vais m'en aller. Non, non, non, faites-moi le plaisir de rester un peu. Monsieur le marquis, j'ai affaire, et puis monsieur le chevalier... N'est-ce pas, chevalier, vous permettez qu'elle reste encore un peu. Mais que lui voulez-vous? N'est-ce pas, je voudrais vous faire goûter un petit vin de Chypre comme vous n'en avez encore jamais bu. Ah. Et je serais heureux que Mirandoline le goûtât, elle aussi, et me dise qu'elle en pense. Allons, Mirandoline, pour faire plaisir à monsieur le marquis. Restez. Monsieur le marquis voudra bien me dispenser. Mais vous ne voulez pas goûter mon vin de Chypre? Une autre fois, excellence. Allons, restez. Vous me l'ordonnez, monsieur le chevalier? Je vous demande de rester. Je vous obéis. Comme elle a bien dit ça. Trop bien. Non, vous avez le ragoût. Mais quelle finesse. Quel parfum. Quelle saveur! Le marquis va être jaloux que soyez assis près de peu moi. Peu m'importe. J'ai l'impression que mes ennemis, les femmes, sont en train de se venger de moi. Comment cela, monsieur le chevalier? Petit masque. Vous le savez très bien. Ah, mon cher, à votre santé. Eh bien, que dites-vous de mon Bourgogne? Révérence, parlez, mon cher, il ne vaut pas tripette. Alors là, quand vous savourerez mon vin de Chypre... Mais où est-il, ce fameux vin de Chypre? Je l'ai là, dans ma poche. Dans votre poche? Oui, vous allez voir, quel régal. Ah oui, mais c'est que mon vin de Chypre est du vrai, lui. Est-ce que je vois, monsieur le marquis ne veut pas que son vin nous monte à la tête. C'est un vin qui se boit avec respect, n'est-ce pas? Une goutte de mon vin de Chypre est comme 10 bouteilles de ce Bourgogne. Alors, petit, des verres à liqueur. Voici, monsieur le marquis. Ah non, ces verres sont beaucoup trop grands. J'ai dit des verres à liqueur. Fais ce qu'on te dit, Arlequin. Bien, oui, peut-être suffirait-il de humer ce nectar. Certes, mon vin de Chypre a un bouquet, mais qui vous réjouit le cœur. Ces verres, sont-ils assez petits? Oui. Attendez, vous allez voir. C'est de l'ambroisie, de la manne distillée. Que dites-vous de cette lavasse, madame? C'est de la rinçure de bouteille. Eh bien, chevalier. Eh bien, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est à la fois moelleux et dépouillé. N'est-ce pas? Et il vous plaît, Mirandoline? Moi, monsieur le marquis, je ne sais pas dissimuler. Votre vin de Chypre ne me plaît pas du tout. Je le trouve franchement mauvais. Rien au monde ne pourrait me faire dire qu'il est bon. J'admire ceux qui sont capables de feindre, mais je pense aussi que lorsqu'on est capable de feindre pour une chose, on le peut pour d'autres encore. Ma parole, c'est une leçon qu'elle me donne. Mais du diable, si je comprends pourquoi. Mirandoline, je crois que vous n'entendez rien à cette sorte de vin, mais ça, je ne vous en veux pas, n'est-ce pas? Le mouchoir que je vous ai donné, vous avez su l'apprécier à sa juste valeur, et il vous a plu. Mais pour ce qui est du vin de Chypre, ça dépasse vos compétences. Arlequin, monsieur le marquis, trois verres propres et trois verres comme ceci. Ah, si c'est pour moi, je n'en veux plus. Non, ça ne craignait rien, c'est pas pour vous. Tiens, Arlequin, avec la permission de ton maître, tu vas aller chez le comte d'Alba Fiorita, et tu lui diras de ma part, bien fort, que tout le monde t'entende, que je le prie de savourer un peu de mon vin de Chypre. À vos ordres, monsieur le marquis. Vraiment, marquis, vous êtes une générosité. N'est-ce pas? Mais demandez plutôt à Mirandoline ce qu'elle en pense. Il n'y a pas le moindre doute. Vous avez montré mon mouchoir au chevalier? Non, pas encore. Ah, bien, elle vous le montrera. Oui. Ah, et maintenant, je bouche ce précieux flacon. Je boirai ce restant de baume ce soir. Oui, prenez garde que cela vous fasse mal, monsieur le marquis. Friponne! Vous savez bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui me fasse mal. Laquelle? Vos beaux yeux. Vraiment? Mon cher chevalier, je suis éperdument amoureux de notre hôtesse. Je vous plains. Vous n'avez jamais éprouvé d'amour pour une femme, sinon vous me plaindriez bien plus encore. Sans doute. Et alors, vous savez, je suis jaloux comme un tigre. Je n'ai rien dit en la trouvant près de vous, parce que je sais que je n'ai rien à craindre de vous. Non, mais non. Sinon, je ne l'aurais pas souffert, même pour 100 000 doublons. Oh, mais il commence à m'échauffer les oreilles. Monsieur le comte remercie son excellence, monsieur le marquis, et lui envoie cette bouteille de vin des Canaries. Comment? Il voudrait sans doute comparer son vin des Canaries à mon vin de Chypre. Ça, on aura tout vu, le pauvre imbécile. Mais c'est une sale, ton vin des Canaries. Je n'ai même pas besoin d'y tremper les lèvres pour le savoir. Goûtez-le avant de le condamner. Le goûter, mais pas question. C'est là une impertinence comme fait le comte. Une impertinence qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Il veut toujours me rabaisser. Il veut m'accabler, me provoquer, me pousser à bout. Mais par le ciel, je lui voudrais cela au centuple. Mirandoline, si vous ne le chassez pas... Vous pouvez vous attendre au pire. Oh, oui. Ah ça oui, au pire. Je suis quelqu'un, moi, et je me refuse à supporter de tels affronts. Ce pauvre marquis est fou allié. En tout cas, si d'aventure il devait avoir un accès de bile, il a emporté la bouteille de vin des Canaries comme remède. Mais il est fou, vous dis-je. Et c'est vous qui l'avez rendu fou. Moi ? Je serai le seul qui rende les hommes fous. Oui, vous... Monsieur le chevalier, avec votre permission, je m'en vais vous quitter. Non, restez. Je vous demande bien pardon, mais je veux avoir la folie de personne sur la conscience. Mais écoutez-moi. Non, excusez-moi. Je vous ordonne de rester. Oh, mais de quel droit, je vous prie ? Enfin, je voulais vous dire, je vous en prie. Faites-moi la grâce de boire encore un verre de Bourgogne. Bon, bien, bien, mais vite, il faut que je m'en aille. Non, essayez-vous. Non, inutile, je suis très bien debout. Tenez. Le temps de porter une brinde et je m'en vais. Oh. C'est une brinde que je tiens de ma grand-mère. Ah. Vive le vin et vive l'amour, ouais. Qui l'un et l'autre nous console. Oh, l'un nous va de la gorge au cœur et l'autre nous vient par les yeux. Tiens, tiens, tiens. Je bois le vin, mais par les yeux, je ne saurais plus que vous recevoir. Oh, charmant, charmant. Mais où allez-vous? Oh, la matine, elle s'est enfuie. Elle s'est échappée, me laissant 1000 démons pour me tourmenter. Votre illustrissime seigneurie désire telle que je serve les fruits. À toi, va-t'en au diable! Tout de suite, illustrissime, tout de suite. Maudite, je t'ai deviné. Tu veux m'abattre, tu veux m'assassiner. Mais elle le fait avec tant de grâce. Mais elle sait si bien s'insinuer. Ah, démon, trop séduisant démon, tu voudras m'en faire voir. Mais je serai plus malin que toi. Je vais partir pour Livourne. Ah, les femmes, les femmes! Quelle engeance! Pendant que la misogynie du chevalier recevait ce rude assaut, dans l'appartement voisin, le comte, Hortense et Déjanire ont déjeuné. Et maintenant, ils causent amicalement. Le marquis de Forlipopole est un très curieux personnage. Il est de bonne noblesse, on ne peut le nier, mais son père d'abord. Et lui ensuite se sont employés à dissiper la fortune familiale. Et maintenant, il lui reste à peine de quoi vivre. Néanmoins, il se complaît à jouer les agréables. Il est visible qu'il ne demanderait pas mieux que d'être généreux, mais que les moyens lui manquent. Le peu dont il dispose et tient à ce que tout le monde le sache. Ça serait tout à fait un personnage pour l'une de vos comédies. Oh, vous allez voir, quand nos camarades seront là, si nous n'en faisons pas quelque chose de votre marquis. Notre chef de troupe n'a pas son pari pour imiter les gens. Oui, mais en attendant, ce qui serait amusant, ça serait de continuer à vous faire passer devant lui pour de grandes dames. Moi, je ne demande pas mieux, mais Déjanire est incapable de soutenir un personnage. Oh, moi, quand on me prend pour une dame, ça me donne envie de rire. En tout cas, vous avez bien fait de me dire la vérité à moi. De la sorte, il me sera possible de faire quelque chose pour vous. Monsieur le comte sera notre protecteur. Ah, nous sommes amis. Nous partagerons vos bontés. Oui, mais je dois être franc avec vous. Vous pouvez compter sur moi dans toute la mesure du possible. Oh, oui. Oui, mais certaines circonstances font que je ne pourrais guère fréquenter votre loge. Oh, monsieur le comte a sans doute une amourette. Plus que cela. Oh. Et tenez, je vous le dis en confidence, je suis fou de la patronne de cette auberge. Peste ? Oui. Je pensais qu'il s'agissait d'une vraie dame. Oh, je suis surprise, monsieur le comte, de vous voir perdre votre temps avec une aubergiste. Oh, il vaudrait mieux que vous réserviez vos attentions à une comédienne. Ah, ma foi, je vous dirai tout net que les aventures de théâtre ne me disent pas grand-chose. Oh. Un jour, vous êtes là, et le lendemain, vous n'y êtes plus. Mais n'est-ce pas mieux ainsi? De la sorte, les amitiés ne s'éternisent pas, et les hommes n'ont pas le temps de se ruiner. Oui, toujours est-il que moi, je ne suis pas libre. J'aime Mirandoline, et pour rien au monde, je ne voudrais lui faire de trait. Enfin, qu'a-t-elle donc de si extraordinaire? Tout! Oh, il est évident qu'elle sait se maquiller. Elle a beaucoup d'esprit. Oh, si elle en avait tellement, elle ne serait pas aubergiste. Ah. Suffit. Telle qu'elle est, Mirandoline me plaît, et si vous voulez avoir mon amitié, je vous prie de ne pas en dire du mal, sinon serviteur. Je dois avouer, monsieur le comte, que si j'étais homme, je ferais des folies pour elle. Ah, n'est-ce pas? Et quand je dis des folies, Je suis en dessous de la vérité. Oh! Vous avez vu le gentilhomme qui vient de passer dans la galerie? Oui, qui est-ce? Un autre beau personnage de comédie. Ah, dans quel genre? C'est un homme qui ne peut pas voir les femmes. Oh, le pauvre! Oh, il doit avoir eu des malheurs en amour. Lui? Il se flatte de n'avoir jamais été amoureux. Oh! Mais oui, il méprise toutes les femmes. Et, le croiriez-vous, il méprise même Mirandoline. Oh, évidemment. N'empêche que si je voulais m'en donner la peine, je parie bien que je le ferais changer d'opinion. Ma foi, je me serais prête à me sacrifier moi aussi. Écoutez, mes petites, si ça vous chante d'essayer, foi de gentilhomme, je vous fais un beau cadeau. Oh, mais je ne suis pas comme cela. Ce que je fais, c'est pour le plaisir. Oh, voyons, Hortense. Si monsieur le comte a envie d'être gentil avec nous, c'est bien son droit. Je doute que vous arriviez à un résultat. Oh, monsieur le comte, vous nous sous-estimez. Évidemment, nous n'avons pas la séduction de madame Mirandoline. Mais nous avons une certaine expérience du monde. Que voulez-vous que j'envoie chercher le chevalier? Faites à votre guise. Voilà, monsieur le comte. Dis au chevalier de Ripafrata que je le prie de bien vouloir venir ici, que j'ai à lui parler. Il n'est pas dans sa chambre. Je l'ai aperçu qu'il allait du côté de la cuisine. Tu l'y trouveras, sans doute. Bien, monsieur le comte. Je me demande bien du reste ce qu'il a pu aller faire du côté de la cuisine. Je parie qu'il est allé faire des reproches à Mirandoline au sujet de l'ordinaire. Ah, monsieur le comte, j'avais prié monsieur le marquis de m'envoyer son bottier. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir y compter. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le mien. À moi, monsieur le marquis m'avait promis un mouchoir. Oh, mais d'ici que je le vois... Mais des mouchoirs, nous vous en trouverons à foison. Le fait est que ce mouchoir serait le bienvenu. Si celui-ci vous plaît, il est à vous. Vous pouvez le prendre, il est propre. Oh, comment refuser un mouchoir offert avec une telle courtoisie? Jouez bien votre rôle de grande dame quand le chevalier sera là. Cela te forcera à vous écouter. Et comment s'appelle-t-il? Le chevalier de Ripafrata. Il est toscan. Le marquis? Mais non, je vous ai dit qu'il ne pouvait pas voir les femmes. Riche? Oui, très. Généreux? Oui. Ah, il me tarde de me mesurer avec lui. Moi aussi. Je crois que le voici. Écartez-vous un peu de moi, car s'il vous voit, il est capable de s'enfuir. Vous m'avez fait appeler, comte? Oui, mon cher, c'est moi qui vous ai prié de venir ici. Que puis-je pour votre service? Ces deux dames ont besoin de vous. Oui. Excusez-moi auprès d'elles, je n'ai pas le temps de m'attarder. Oh, monsieur le chevalier, je ne voudrais pas vous importuner. Mais de grâce, monsieur le chevalier, un mot. Au diable, le comte. Cher ami, lorsque deux dames vous prient de les écouter, la civilité ordonne qu'on leur obéisse. Pardon, mesdames, mais en quoi puis-je vous être utile? N'êtes-vous pas toscan, monsieur? Si, madame. Vous avez des amis à Florence. J'y ai des amis et des parents. Eh bien, sachez, monsieur... Oh, je vous en prie, ma chère, expliquez à monsieur. Eh bien, monsieur le chevalier, sachez qu'un malencontreux hasard... Je vous en prie, mesdames, une affaire pressante. Oh. Je crois, mesdames, que ma présence vous gêne. Je vous laisse pour vous permettre de parler en toute liberté au chevalier. Mais non, mon cher, restez. Je connais mon devoir, chevalier. Mesdames, votre serviteur. Ah, monsieur le comte. Je vous en prie, monsieur le chevalier, asseyez-vous. Non, permettez-moi de rester debout. Oh, on dirait presque que nous vous faisons peur. Veuillez me dire ce que vous désirez. Et nous avons besoin de votre aide, de votre protection, de votre bonté. Que vous est-il arrivé? Nos maris nous ont abandonnés. Abandonnés? Comment ça? Mais qui sont vos maris? Hortense, je n'ose pas continuer. Oh, ma foi, c'est un tel butor que pour un peu. Mesdames, je vous salue. Comment est-ce ainsi que vous nous traitez? Un chevalier traité ainsi de femme de qualité? Excusez-moi, mais je tiens à ma tranquillité. Oh. Deux dames abandonnées par leur mari, c'est vraiment trop pour moi. Allons, déjà, ne faisons pas souffrir ce très aimable chevalier. Oh oui, disons-lui tout. Voulez-vous en venir maintenant? Nous ne sommes pas des femmes de qualité. Ah oui. Monsieur le comte a voulu vous jouer un tour. Eh bien, le tour est joué. Adieu. Ah non, un instant. Que désirez-vous? Accordez-nous votre aimable compagnie pendant quelques secondes. J'ai affaire, je ne puis m'attarder. Oh, mais nous ne voulons pas vous manger. Ah, votre réputation ne risque rien avec nous. Nous savons que vous ne pouvez voir les femmes. Ah. Vous le savez? Eh bien, tant mieux. Je vous salue. Je vous assure que nous ne sommes pas des femmes à redouter. Qui êtes-vous? Oh, dis-le-lui, déjà dit. Oh, tu peux lui dire toi-même. Allons, qui êtes-vous? Nous sommes deux comédiennes. Deux comédiennes? Oui. Oh, alors, je vous écoute volontiers. Je suis nettement prévenu en faveur de votre art. Vraiment? Sachant que vous jouez la comédie à la scène comme à la ville, je ne risque rien avec vous. Oh, moi, la ville, je suis incapable de jouer la comédie. Vraiment? Eh bien, voici qui me donnerait presque envie de connaître votre nom. Je m'appelle... Et vous, quel est votre répertoire? Eh bien, mon cher chevalier... Je suis sûr qu'il s'étend jusqu'au rôle d'aventurière. Oh, monsieur... Et vous, ma belle, comment traitez-vous les gobins? Oh, mais monsieur, je ne suis pas de celles qui... Eh bien, moi non plus, je ne suis pas de ceux qui... Sachant, monsieur le chevalier... Pas les pattes! Peste, ce n'est pas un chevalier, c'est un vrai bouseux. Et maintenant, décampez! C'est à moi que vous dites cela! C'est ainsi que vous traitez une femme de ma distinction? Une distinction à base de phare et de blanc en grand, ma chère. Quant à vous, vous aurez beau vous maquiller, vous aurez toujours l'air de ce que vous êtes. Ma foi, elles n'ont pas tenu longtemps devant moi. Les pauvres sottes. Moi, c'est ainsi que je voudrais traiter toutes les femmes. Il n'y a que Mirandoline qui... Non, elle est femme et je ne puis me fier à elle. Demain, je m'en irai. Demain, est-il prudent d'attendre à demain? Monsieur? Quoi? Que veux-tu, Harlequin? Monsieur le marquis dans votre chambre. Il vous attend, car paraît-il, il a à vous parler. Que me veut encore ce fou? Si c'est de l'argent, il ne m'en sautillera plus. Qu'il attende. Et quand il sera là d'attendre, qu'il s'en aille. Toi, va trouver le valet de Madame Mirandoline et demande-lui de m'apporter ma note sur le champ. À vos ordres, monsieur. Attends, monsieur. Fais en sorte que mes bagages soient prêts d'ici 2 heures. Monsieur veut partir? Oui, et apporte-moi mon épée et mon chapeau sans que le marquis s'en aperçoive. Mais s'il me voit faire les bagages? Et qu'il dise ce qu'il voudra, allez. Tu m'as bien compris? Oui, je suis ici. Et pourtant, je dois l'avouer, à l'idée de m'en aller d'ici, je ressens une sorte de déplaisir. Ah, femme, femme! Jamais je ne dirai assez de mal de vous. Alors même que vous nous voulez du bien, vous êtes nos plus grandes ennemies. Est-il vrai que M. le Chevalier a demandé sa note? Oui. Vous me l'apportez? La patronne est en train de la préparer. C'est elle qui fait les comptes? Oui, oui, c'est toujours elle. Même du vivant de son père. Elle sait écrire et compter mieux que n'importe quel commis. Non, mais vraiment, monsieur veut déjà nous quitter? Oui, mes affaires me l'ordonnent. Je supplie monsieur le chevalier de ne pas oublier le valet de chambre. Apportez-moi ma note, je sais ce que je dois faire. Monsieur le chevalier veut que je la lui apporte ici? Oui, ici. Pour le moment, je ne tiens pas à aller dans ma chambre. Ça, monsieur a raison. Présentement, monsieur le marquis est dans la chambre de monsieur. Ah, quelle calamité que monsieur le marquis. Il fait la cour à la patronne. Ah, mais là, révérence parlée, il se met le doigt dans l'œil. Parce que la patronne, eh bien, c'est moi qu'elle finira par épouser. Oui. Ma note. Oui, tout de suite, monsieur le chevalier, tout de suite. En somme, on dirait que tout le monde est amoureux de Mirandoline. Et qu'il est étonnant que moi aussi, je commence à me sentir vacillé. Mais je vais partir. Et ne me laisserai pas vaincre par... Mais que vois-je? Mirandoline, une feuille de papier à la main? Ça doit être ma note. Que faire? Allons, il faut soutenir cet ultime assaut. Dans 2 heures, je serai loin d'ici. Monsieur... Qu'y a-t-il, madame? Pardonnez... Mais approchez, mais... approchez donc. Vous avez demandé votre note. Je l'ai faite. Donnez. La voici. Vous soupirez? Non. Si, et même... Mais oui, vous pleurez, mais qu'avez-vous? Non, rien, monsieur, rien. Un peu de fumée qui m'est venue dans les yeux. Ah, de la fumée? Bien, bien. Eh non, je veux dire... Oh, je suis désolé. Mais voyons... À combien se monte ma note? 20 paoli? 20 paoli seulement pour 4 jours d'une hospitalité aussi large? C'est le prix habituel. Mais les 2 plats que vous m'avez servis ce matin ne sont pas comptés? Je n'ai pas coutume de faire payer ce que je donne. C'est un cadeau que vous m'avez fait? Pardonnez-moi d'avoir pris cette liberté et consentez à accepter. Mais qu'avez-vous donc? Oh, c'est toujours cette fumée. À moins que ce ne soit un courant d'air. Je suis navré. Pensez qu'en préparant pour moi ces 2 plats succulents, vous avez pu vous abîmer les yeux. Ah, s'il en était ainsi, je le souffrirais volontiers. Oh, si je ne m'en vais pas tout de suite. Tenez, voici 2 doublons. Acceptez-les pour l'amour de moi. Oh. Enfin, je veux dire... Enfin, acceptez-les et excusez-moi. Oh. Mais qu'avez-vous, Mirandoline? Mais voyons, Mirandoline, elle s'est évanouie. Ce serait-elle éprise de moi? Mais aussi vite. Et pourquoi pas? Moi, ne suis-je pas épris d'elle? Oh, chère Mirandoline. Chère Mirandoline. Oh, moi, plus une femme chère. Oui, mais celle-ci s'est évanouie à cause de moi. Oh, comme elle est belle. Il faudrait la faire revenir à elle. Mais comment? Je n'ai rien de ce qu'il faut, ni sel, ni élixir. Oh là, quelqu'un! Il n'y a personne, que faire? Oh, la pauvrette, je ne puis pas la laisser ainsi. Il faut que j'aille chercher quelque chose, pas n'importe quoi! Cette fois, je crois que la victoire est à moi. Nombreuses sont les armes avec lesquelles nous vainquons les hommes. Mais quand ils se montrent trop rétifs, le coup de grâce est toujours un bon évanouissement. Oh, mais le revoici. Évanouissons-nous de leur chef. Oh. Elle est toujours évanouie. Oh, il faut vraiment qu'elle m'aime. Certainement en lui aspergeant d'eau le visage, elle va revenir à elle. Revenez à vous, chère Mirandoline, revenez à vous. Je suis encore là. Je ne suis pas encore parti. Illustrissime, voici votre épée, votre chapeau. Va-t'en. Quant au bagage. Vas-tu t'en aller? Oh, qu'a donc madame Mirandoline, elle est morte? Mais va-t'en, je te fends la tête. Je m'en vais, illustrissime, je m'en vais. Mon Dieu, elle est encore admise à évanouie et son front qui est tout moite. Allons, chère Mirandoline, un petit effort, ouvrez les yeux et parlez. Parlez-moi. Ah, bonjour, chevalier, mon cher ami. Oh, les maudits importuns. Mirandoline, mais qu'avez-vous, Mirandoline? Ah, où suis-je? Ah, je l'ai appelée, elle est revenue à elle. Je vous félicite, monsieur le chevalier. Ah, pour quelqu'un qui prétend ne pas pouvoir souffrir les femmes. Quelle pertinence! On dirait que vous avez succombé. Allez-je au diable, tous, autant que vous avez. Oh. Le chevalier est devenu fou. Il m'a bousculé en sortant. Voilà un affront dont il devra me donner satisfaction. La partie est gagnée. Il a le cœur en feu, en flamme, en cendres. Afin de parfaire ma victoire, il ne me reste plus qu'à le forcer à se déclarer pour la plus grande honte des hommes présomptueux et le plus grand honneur de notre sexe. Quelques instants plus tard, Mirandoline est dans sa chambre. Debout devant une petite table, elle est en train de préparer du linge à repasser. Alors, la récréation est finie. Il faut maintenant que je m'occupe un peu de mes affaires. Et d'abord que je repasse ce linge avant qu'il ne soit tout à fait sec. À Fabrice! Oh, oh Fabrice! Madame? Ah, rends-moi le service d'aller me chercher un fer chaud. Hein? Bien, madame. Je te demande pardon de te déranger ainsi. Vous n'avez pas à me demander pardon, madame. Aussi longtemps que je mange votre pain, mon temps et ma personne sont à votre entière disposition. Un instant, je te prie. Madame. Fabrice, écoute, écoute. Rien ne t'oblige à me rendre des services du genre de celui-ci. Mais je sais que si tu le fais, c'est volontiers. Et parce que c'est moi. Et crois bien que... Oui. Mais j'en ai assez dit, n'est-ce pas? Oui. Oui, vous me le demanderiez que je serais capable d'aller vous décrocher la lune avec mes dents. Mais... Ah, je suis bien bête. Bête, Fabrice? Pourquoi? Que ça sert d'être gentil. Tu penses sans doute que je suis une ingrate. Il n'y a que la noblesse qui vous intéresse. Oh, pauvre sot, si je pouvais tout te dire. Oui. Mais allez, allez, cours me chercher un fer. Mais puisque j'ai vu moi-même, vu de mes propres yeux... Assez bavardé, Fabrice, mon fer, s'il te plaît. Bien, bien, bien. J'y vais. Je suis à vos ordres. Et ça ne durera pas toujours. Oh, les hommes sont tous pareils. Plus on les aime et plus ils sont difficiles à vivre. Comment? Que venez-vous dire? Ah, Fabrice, veux-tu, oui ou non, aller me chercher ce fer? J'y vais, j'y vais. Aller comprendre quelque chose. Pauvre Benet, il est furieux, mais il m'obéit quand même. Cela m'amuse de forcer les hommes à faire mes petites volontés. C'est comme cet aimable chevalier, lui qui était tellement ennemi des femmes, je crois bien maintenant que si je voulais, je pourrais à mon gré lui faire faire n'importe quelle bêtise. Madame Mirandoline. Qui a-t-il, mon ami? Madame Mirandoline, mon maître vous salue et m'envoie vous demander comment vous allez. Eh bien, dites-lui que je vais très bien. Et puis, mon maître a dit comme ça que vous buviez un peu de l'eau de mélisse qu'il y a dans ce petit flacon, que cela vous ferait du bien. Il est en or, ce flacon? Oui, madame Mirandoline, il est en or. Oh, je le sais de source sûre. Mais pourquoi votre maître ne m'a-t-il pas donné de l'eau de mélisse lorsque j'ai été prise de cet affreux malaise? C'est qu'alors, il n'avait pas ce flacon. Et comment se fait-il qu'il l'ait maintenant? Écoutez, je m'en vais vous le dire en confidence. Tout à l'heure, il m'a envoyé chercher un orfèvre. Il lui a acheté ce flacon et l'a payé 12 sequins. Oh. Oui, et après, il m'a envoyé chez l'apothicaire acheter de l'eau de mélisse. Vous riez, Madame Mirandoline? Oh oui, je ris parce que votre maître m'envoie le médicament quand mon mal est guéri. Le médicament sera bon pour une autre fois. Allons, je vais en boire un peu, comme préventif. Tenez, et remerciez votre maître. Oh, mais ce flacon est à vous. Comment cela, à moi? Mais oui, mon maître l'a acheté exprès pour vous. Exprès pour moi? Oui, oui, exprès pour vous, mais... Motus. Bien, rapportez-lui son flacon et dites-lui que je le remercie. Oh, mais voyons, Madame Mirandoline. Je vous dis de lui rapporter ce flacon, je n'en veux pas. Oh, vous voulez lui faire cet affront? Mais assez bavardé, faites ce que l'on vous dit. Tenez. Bon, je n'insiste pas. Je vais lui rapporter. Oh, mais le chevalier est cuit, recuit et rissolé. Mais comme ce que j'ai fait, ce n'est pas par intérêt que je l'ai fait, je veux qu'il reconnaisse la force des femmes sans pouvoir dire qu'elles sont intéressées et vénales. Voilà votre affaire. Ah, il est bien chaud? Oui, madame, il est chaud. Ah. Mais qu'as-tu encore? Monsieur le chevalier vous envoie des ambassades. Il vous envoie même des cadeaux. C'est son serviteur qui me l'a dit. Oui, monsieur. Le chevalier m'a envoyé un flacon en or et je lui ai renvoyé sur le champ. Vous le lui avez renvoyé sur le champ? Oui, son serviteur lui-même te le dira. Mais pourquoi le lui avez-vous renvoyé sur le champ? Pourquoi? Oui. Eh bien, peut-être pour que quelqu'un ne puisse pas dire... Oh, quelqu'un, mais qui ça? Oh, que t'importe. Allez, allez, ne parlons plus de cela. Oh, madame, oh, chère Mirandoline, excusez-moi. Laisse-moi donc passer. Je ne vous empêche pas de repasser, mais... Va me préparer un autre fer, et quand il sera chaud, apporte-le-moi. Oui, j'y vais, mais croyez bien que... N'ajoute pas un mot, tu vas me mettre au balai. Mais je me tiens quoi? Allez y comprendre quelque chose. Mais voilà qui n'est pas mauvais non plus. Je me fais un mérite aux yeux de Fabrice d'avoir refusé le cadeau du chevalier. C'est ce qui s'appelle savoir-vivre. Mirandoline. Oh, monsieur le chevalier. Je suis votre très humble servante. Comment vous sentez-vous? Mais très bien pour vous servir. Hein? Vous repassez? Mais oui, je repasse mon linge. J'ai des raisons de me plaindre de vous. Pourquoi cela, monsieur le chevalier? Mais pourquoi avez-vous refusé d'accepter le petit flacon que je vous ai envoyé? Et que vouliez-vous que j'en fisse? Que vous vous en servissiez en cas de besoin. Grâce au ciel, je ne suis pas sujette aux évanouissements. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui ne m'était jamais arrivé auparavant. Chère Mirandoline, je ne voudrais pas avoir été la cause de ce funeste accident. Je crains, hélas, que vous n'en ayez justement été la cause. Moi? Oh, vraiment? Ah, c'est ce maudit vin de Bourgogne que vous m'avez forcé à boire qui m'a fait mal. Comment? Est-il possible? Ah, il n'y a pas le moindre doute aussi maintenant. Je ne viendrai plus jamais dans votre chambre. Oh, je vous entends, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je le comprends parfaitement. Mais je vous dis néanmoins, chère Mirandoline... Ah, ce fer n'est plus très chaud. Ah, Fabrice! Madame! Si l'autre fer est chaud, apporte-le. Oui, madame. Faites-moi la grâce de garder ce flacon. Franchement, monsieur le chevalier, je n'accepte jamais de cadeau. Vous acceptez bien pourtant ceux du comte Alba Fiorita. Je suis bien forcée, pour ne pas le contrarier. Mais moi, un peu vous chaud de me contrarier. Que vous importe à vous qu'une femme vous contrarie, puisque vous ne pouvez pas voir les femmes. Ah, oh, Mirandoline, maintenant, je ne pourrais plus dire cela. À quelle heure la nouvelle lune, monsieur le chevalier? Le changement qui s'est opéré en moi n'a rien à voir avec la lune. C'est un prodige qui est dû à votre seule beauté, à votre seule grâce. Vous riez. Ah, oh, vous ne voudriez pas que je rie. Vous vous moquez de moi et vous ne voudriez pas que je rie. Ah, oh. Petit masque, je me moque de vous, n'est-ce pas? Allons, prenez ce flacon. Non, non, merci. Prenez-le, je me fâche. Fabrice, mon fer. Vous le prenez, oui ou non? Oh, vite, Fabrice. Bien, je le prends. C'est tout ce que vous en faites? Vous jetez ce flacon dans ce panier à linge, Fabrice, comme si c'était... Fabrice. Me voici. Ah, il est bien chaud, ce fer? Oui, madame. Qu'as-tu, Fabrice? Tu m'as l'air de mauvaise humeur. Rien, patronne, rien. Tu es fatigué? Donnez-moi l'autre fer si vous voulez que je le mette sur le feu. Vraiment, j'ai peur que tu ne sois pas bien. Allons, donnez-lui ce fer et qu'il s'en aille. Oh, vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour Fabrice. C'est mon homme de confiance. Tant mieux. Tiens, mon cher Fabrice, voici mon fer. Fais-le réchauffer. Oh, patron. Allons, dépêche-toi. Allez y comprendre quelque chose. Vraiment, madame, vous êtes d'une amabilité avec votre valet. Que voulez-vous dire par là, je vous prie? On voit bien que vous en êtes éprise. Moi? Mais prendre d'un valet? Vous me faites un beau compliment, monsieur. Mais sachez que je n'ai pas le goût aussi bas. Si je voulais aimer, je regarderais plus haut. Oh, Mirandoline, vous mériteriez l'amour d'un roi. Hein? D'un roi de coupe ou du roi de bâton? Oh, Mirandoline, parlons sérieusement. Mais je vous écoute. Vous ne pourriez pas cesser un instant de repasser? Ah, je suis désolée, mais il faut que ce linge soit prêt pour demain. Pour vous, ce linge est donc plus important que moi. Bien sûr. Vous êtes vraiment d'une franchise. Et pourquoi, monsieur? serais-je pas franche? Ce linge m'est utile. Tandis que moi... Et tandis que vous, eh bien vous, vous êtes quelqu'un sur qui je ne puis absolument pas compter. Oh, bien au contraire. Je suis quelqu'un dont vous pouvez disposer à votre guise. Voyons, monsieur le chevalier, vous oubliez que je suis une femme. Ne me tourmentez plus, vous êtes suffisamment vengé. Je vous estime, vous. J'estime les femmes qui sont comme vous. Si tant est qu'il en existe, je ne... Bien, monsieur le chevalier, nous le leur dirons. Croyez-moi. Oh, vous avez fait tomber une manchette. Non, je la ramasserai, ne vous donnez pas cette peine. Vous méritez qu'on vous serve. Vous riez encore. Oh oui, je ris parce que vous vous moquez encore de moi. Oh, Mirandoline, je n'en puis plus. Ça, vous vous trouvez mal? Oh oui, je me sens défaillie. Tenez, voilà votre flacon d'eau de mélisse. Oh, ne me traitez pas avec une telle dureté. Je vous aime, croyez-moi, je vous aime. Ah, je vous ai brûlé avec mon fer. Pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait exprès, mais aussi pourquoi avez-vous voulu me prendre la main? C'était rien. Je vous dois une brûlure plus profonde. Où cela, monsieur? Au cœur. Fabrice! Je vous en supplie, n'appelez pas ce garçon! Mais j'ai besoin de mon autre fer, moi. Non, attendez, je vais appeler mon serviteur! Fabrice! Mais je vous jure par le ciel que s'il vient, je lui fends la tête! Oh, eh bien, voici qui est mieux que tout! Je n'ai plus le droit de donner des ordres à mes gens! Mais appelez-en un autre, celui-là, je ne peux pas le voir! Mais il me semble, monsieur le chevalier, que vous allez un peu trop loin! Ah, excusez-moi, je suis hors de moi! Je vais courir moi-même à la cuisine, comme ça vous serez satisfait! Non, chère Mirandoline, restez! Mais on n'a jamais vu ça! Oh, pardonnez-moi! Enfin, je ne puis plus appeler qui je veux! Oh, je l'avoue, je suis jaloux de ce garçon! Oh. C'est la première fois que je découvre ce que peut être l'amour. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, monsieur. Je n'entends pas vous donner des ordres, je vous supplie. Mais à la fin, que voulez-vous de moi? Amour, compassion, pitié. Oh, un homme qui ce matin se vantait de haïr les femmes implorerait maintenant de moi amour et pitié? Non, voyons, ce n'est pas possible, je ne puis le croire. Et je m'en vais chercher mon fer. Mirandoline! Ah, elle est partie. Oh, maudit soit l'instant où j'ai commencé à la regarder. Je suis tombé dans le piège et il n'y a plus de remède. Ah, chevalier, tout à l'heure, vous m'avez bousculé. Excusez-moi, ce fut un accident. Non, ça m'étonne de vous. Encore une fois, excusez-moi. Mais en me bousculant ainsi, vous m'avez comme, qui dirait, insulté. Je ne l'ai pas fait exprès pour la troisième fois, excusez-moi. Non, je réclame satisfaction. Si vous ne voulez pas m'excuser, si vous réclamez satisfaction, je suis à votre disposition. Vous ne me faites pas peur, vous savez. Non. Alors là, je crois que je me suis un peu laissé emporter par la colère. Quand un gentilhomme vous demande de l'excuser, que vous faut-il de plus? Non, si vous n'avez pas fait cela par malice, alors n'en parlons plus. Je vous répète que je suis prête à vous fournir toutes les satisfactions que vous désirez. Non, bon, alors, n'en parlons plus. Monsieur, vous n'êtes qu'un mal appris. Ah, bah alors ça, elle est bien bonne, celle-là. Ma colère est passée, voici que vous vous employez à la faire revenir. Bon, prenez-le comme il vous plaira. Bon, alors, j'aurai de l'indulgence pour vous... N'est-ce pas, je sais ce qui vous taquine. Bon, je ne m'occupe pas de vos affaires, ne vous occupez pas des miennes. Ah, monsieur l'ennemi des femmes a succombé, lui aussi. Moi? Qu'est-ce que vous me racontez? Mais oui, vous voilà amoureux. Oh, le diable, vous en pas! Allons, à quoi bon dissimuler? Laissez-moi tranquille, ou par le ciel, je vous en fais repentir. Il est amoureux, mais il en a honte et ne voudrait pas que cela se sût. Mais peut-être ne veut-il pas que cela se sache. Parce qu'il a peur de moi. Ah oui, ça, il doit redouter de se déclarer pour mon rival. Non, c'est pas... Tiens, mais alors, qu'est-ce que j'ai là sur ma manche? Tiens, c'est une tache. Oh mon Dieu, si je savais comment m'y prendre pour la faire disparaître. Voyons, je vais regarder sur la table de Mirandoline. Les femmes ont souvent de la terre pour enlever les taches. C'est... Oh, le joli petit flacon! Oh, mais en quoi est-il, mon Dieu, en or ou un pinchebec? Ah non, il est certainement un pinchebec, parce que s'il était en or, on ne le laisserait pas traîner ainsi. Et il contient peut-être de l'eau de la reine, auquel cas je serais sauvé. Voyons. Ah non, c'est de l'eau de mélisse. Oh, et de la meilleure, je crois. Je vais la goûter. Oh. J'espérais votre visite. Oh, madame la comtesse, je me préparais justement à venir vous saluer. Et qu'est-ce que vous en train de faire? Mais je vais vous le dire, n'est-ce pas? Je suis un vrai maniaque de la propreté. Alors je voulais faire disparaître ces petites taches que j'ai sur la manche. Mais avec quoi, monsieur? Mais avec cette eau de mélisse. Pardonnez-moi d'être indiscrète, mais l'eau de mélisse n'est pas du tout ce qu'il vous faut. Ah. Elle ne ferait plutôt qu'agrandir la tache. Oui, mais alors, que faire? Moi, j'ai un secret pour faire disparaître les taches. Alors, enseignez-le-moi. Je vous en serai reconnaissant. Volontiers. Je m'engage avec un écu à faire partir cette tâche. On ne verra même plus où elle était. Comment, il vous faut un écu? Oui, monsieur le marquis. Mieux vaut essayer l'eau de mélisse. Elle est bonne, cette eau de mélisse. Oh, ça c'est de la meilleure, tenez. Santé. Oh, moi, celle que je fais, c'est encore meilleure. Ah, ah, celle-là, vous êtes une femme précieuse. J'ai quelques petits talents. Ah, je suis sûr que vous êtes trop modeste. Ce flacon est en or, n'est-ce pas? Eh, mais oui, bien entendu. Il est à vous, monsieur le marquis. Oui, oui, oui, oui, il est à moi, mais il est à vous si vous le voulez. Oh, comment refuser un cadeau si galamment offert? Merci, monsieur le marquis, merci. Oh, alors ça, cette humeur badine vous s'y est arrivée. Oh, vous êtes un charmeur, monsieur le marquis. Dites donc, vous n'allez pas garder ce flacon? Mais si, et je m'en vais même le garder précieusement puisqu'il me vient de vous. Mais il est indigne de vous, ce n'est qu'une bagatelle. Vous méritez 100 fois mieux. Monsieur le marquis, vous allez me faire rougir. Non, écoutez, en confidence, ce flacon n'est pas en or, il n'est qu'en pinchebec. Tant mieux, cela me met à l'aise. Je vous avouerai que j'hésitais à le garder, mais maintenant je n'ai plus le moindre scrupule. Et alors, bon, alors je n'insiste plus puisque vous daignez accepter cette babiole. Moi, dans un cadeau, ce que j'estime le plus, c'est l'intention. Oh non, alors là, vraiment, je suis confus que vous fassiez tant de cas de cette bagatelle. Je voudrais que ce flacon fût en or. Sincèrement, on dirait de l'or. Hein? N'importe qui s'y tromperait. Ah non, sauf un connaisseur comme moi. Même au poids, on jurerait de l'or. Et pourtant, c'est du faux. Il me tarde de le montrer à mon ami Hortense. Ah, non, écoutez, madame la comtesse, oui? Ne le montrez pas à Mirandoline, n'est-ce pas? C'est une cancanière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends parfaitement. Mais ne vous inquiétez pas, je ne le montrerai qu'à Hortense. À la baronne? Oui, oui, à la baronne. Au revoir, monsieur le marquis. Et encore merci. Je crois qu'elle rit parce qu'elle s'est fait donner si élégamment ce petit flacon. S'il avait été en or, alors là, j'étais frais. Enfin, ma générosité ne me coûtera pas trop cher. Si Mirandoline réclame son flacon, je le lui paierai. Et quand j'aurai de quoi? Diable, ce flacon peut-il bien être? Tu cherches quelque chose, Arlequin? Je cherche un flacon d'eau de mélisse. Madame Mirandoline le demande. Elle dit l'avoir laissé ici, mais je ne le trouve point. Dis donc, n'est-ce pas un petit flacon en pinchebec? Ah non, monsieur le marquis, en or. Quoi? Un petit flacon en or. Comment, en or? Mais bien sûr qu'il est en or. Je l'ai vu de mes propres yeux payer 12 sequins. Ah, 12 sequins? Mais quelle idée de laisser traîner ainsi un flacon en or! Madame Mirandoline l'a oublié ici, et moi, je ne le trouve pas. Ah, mais ça, je ne parviens pas à croire qu'il soit en or. Il est en or, vous dis-je. Votre Excellence l'a peut-être vu. Moi, non, je ne l'ai pas vu. Eh bien, je vais lui dire que je ne le trouve pas. Tant pis pour elle. Elle n'avait qu'à le mettre dans sa poche. Oh, pauvre de moi. Oh, infortuné marquis de Forlipopoli. J'ai donné à la comtesse un flacon en or, un flacon qui vaut 12 sequins. Mais comment me tirer d'une affaire aussi fâcheuse? Voyons, si je reprends le flacon à la comtesse, je me couvre de ridicule à ses yeux. Et si Mirandoline apprend que je lui ai pris son flacon, mon honneur est en péril. Or, je suis gentilhomme, il faut que je rembourse. Je rembourserai donc, mais là, je n'ai pas d'argent. Eh bien, marquis, que dites-vous de la chose? Elle est plutôt piquante, vous ne trouvez pas? Quoi? De quoi s'agit-il? Notre sauvage chevalier, le contenteur des femmes, est amoureux de Mirandoline. Oh ben, moi, j'en suis ravi. Oui, oui, je suis ravi qu'il soit forcé de reconnaître le mérite de notre adorable hôtesse. Il va pouvoir se rendre compte que moi, je ne suis pas de ceux qui s'éprennent d'un objet indigne et souffrir et peiner et crever en juste châtiment de son impertinence. Mais si Mirandoline le paie de retour? Impossible. Elle ne me ferait pas cet affront à moi. Non, ça, elle sait qui je suis. Elle sait tout ce que j'ai fait pour elle. Moi, j'ai fait pour elle beaucoup plus que vous. Mais elle est désongetée. Mirandoline, pas le chevalier de Ripafrata. Elle a pour lui des attentions qu'elle n'a eues ni pour vous, ni pour moi. Et c'est une preuve supplémentaire que plus on fait de choses pour les femmes, moins elles vous en ont de reconnaissance. Et qu'en se moquant de ceux qui les adorent, elles courent toujours après ceux qui les méprisent. Ah, si cela était vrai. Mais non, cela ne peut être. Et pourquoi cela ne peut-il pas être? Mais songeriez-vous à mettre le chevalier au même rang que moi? N'avez-vous pas vous-même vu Mirandoline assise à sa table? Oui. A-t-elle jamais consenti à faire de même avec nous? Oui. Non. Et pour lui, le linge de choix. Et lui, on le sert le premier. Et on lui sert en outre des petits plats préparés par elle-même. Les domestiques voient tout. Ils sont là pour le dire. Fabrice est vert de jalousie. Et puis cet évanouissement qu'il soit vrai ou fin, n'est-il pas une preuve manifeste d'amour? Oh, mais je peux, comment? Mais pour lui, on cuisine de savoureux ragoût. Oui. Et à moi, on me sert du bouilli filandreux et de la soupe réchauffée. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est là un camouflet à mon rang, à ma condition. Mais moi, qui ai tant dépensé pour elle. Oh, et moi qui l'a comblé de cadeaux. Je lui ai même fait boire de mon vin de Chypre. Oui, oh, un vin qui n'a pas de prix. Oui. Ah, ah, ah, si. Ah, je suis sûr que le chevalier n'a pas fait pour elle le millième de ce que nous avons fait, nous. Il lui a au moins fait un cadeau. Ah oui, quoi donc? Un petit flacon d'eau de mélisse en or. Ah quoi? C'est lui qui... Oui, c'est lui comme, qui... Comment le savez-vous? Son serviteur l'a dit au mien. Hein? C'est effroyable. Oui, oui. Je prends compte que Mirandoline est une ingrate. Oui. Je suis décidé à ne plus m'occuper d'elle. Oh. Et je vais quitter sur le champ cette auberge indigne de moi. Oui, oui, vous avez raison. Et vous, qui êtes un vrai gentilhomme, vous devriez m'imiter. Certes, mais... Hé, hey, où elle est? Laissez-moi le soin de vous trouver un logement. Un logement, mais de quel genre? Nous irons chez un de mes compatriotes. Cela ne vous coûtera rien. Ah, alors là, plus un mot. Vous êtes trop mon ami pour que je puisse vous dire non. Allons, allons. Et vengeons-nous de cette femme sans cœur. C'est ça, oui. Allons. Oui. Oui. Mais le flacon, je suis gentilhomme. Je ne puis commettre une indélicatesse. Ne revenez pas sur votre décision, Marquis. Partons d'ici. Faites-moi ce plaisir. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose, je suis votre homme. Bon, alors écoutez, n'est-ce pas, il faut que je vous dise. Oui. En confidence, n'est-ce pas? Surtout que personne ne le sache. Non, non. Mon fermier est parfois en retard pour me payer ses redevances. Et sans doute, vous devez quelque chose à Mirandoli. Oui, oui, oui. 12 sequins. 12 sequins? Oui. Oui. Il faut qu'il y ait des mois que vous n'ayez pas payé. Oui, oui, oui. Je lui dois 12 sequins. Oui, oui. Je ne puis partir d'ici sans régler cette dette, alors... Oui, oui. Si vous voulez bien me rendre le service... Volontiers. Mais oui, mais bien sûr. Voici les 12 sequins. Attendez. Oh, maintenant je me rappelle que c'est 13 sequins. Je veux aussi rendre son sequin au chevalier. Enfin, 12 ou 13, c'est la même chose pour moi. Oui. Tenez. Oui, oui. Alors, je vous rendrai cela dès que possible. Quand il vous plaira. Vous savez, oui. Moi, l'argent ne manque pas. Et pour me venger de Mirandoline, je dépenserai 1000 doublons. Ah oui, oui. C'est vraiment un monstre d'ingratitude. Après tout ce que j'ai dépensé pour elle, me traiter ainsi. Je veux faire la ruine de cette auberge. Oh. J'en ai déjà fait partir les deux comédiennes. Oh. Oui. Hein, quoi? Des comédiennes? Oui. Où étaient-elles? Moi, je ne les ai pas vues. Mais si. La comtesse et la baronne. Comment? Ce n'étaient pas des femmes de qualité? Mais non. Ce sont deux petites comédiennes. Ah oui? Leurs camarades sont arrivés et elles sont redevenues elles-mêmes. Oh, le flacon! Comment? Hein? Rien. Hein? Quoi? Oui. Où l'a-t-elle maintenant? Dans une maison voisine. Hein? Oui, oui, je reviens. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou! Oh, mais enfin, tout le monde est fou! Plus tard. Un petit salon à l'écart. Mirandoline entre précipitamment, comme poursuivie. Elle regarde autour d'elle, puis rassurée, pousse un soupir et s'effondre dans un fauteuil. Oh, pauvre de moi. Eh bien, me voici dans un beau pétrin. Si le chevalier me trouve, je suis fraîche. Il est fou furieux. Je ne voudrais pas que le diable lui inspira de venir me chercher ici. Et à présent, je commence presque à me repentir de ce que j'ai fait. Il s'agit maintenant pour moi de prendre une grande décision. Je suis seule, je n'ai personne pour me défendre. Oh, je ne vois guère que ce brave Fabrice qui puisse me servir en l'occurrence. Oh, je vais lui promettre de l'épouser. Mais j'ai promis, voyons, promis déjà, il va peut-être se fatiguer de me croire. Il vaudrait presque mieux que je l'épousasse vraiment. Mirandoline ! Oh, le voici, vite, fermons la porte ! Mirandoline, je sais que vous êtes là, voyez-moi ! Mais que désirez-vous, monsieur le chevalier ? Voyez-moi ! Mais faites-moi la grâce d'aller dans votre chambre et de m'y attendre. Je suis tout de suite à vous. J'y vais. Mais si vous ne venez pas, Garonne... Gare à moi si j'y allais. Les choses vont de mal en pis. Fabrice! Oh, Fabrice! Ce qui serait beau, c'est si maintenant Fabrice, pour se venger, ne voulait pas. Mais non, non, il n'y a pas de danger. Je connais les petites mines qu'il faut pour vaincre un homme, fut-il de roc. Fabrice! Vous m'avez appelé? Oui, viens là, je veux te faire une confidence. Je vous écoute. Eh bien, sache que le chevalier de Ripafratin vient de me faire une déclaration d'amour. Ah, ça ne m'étonne pas. Vraiment? Si vous figurez que je ne m'en étais pas aperçu. Ah, tu t'en étais aperçu? Moi. Eh bien, pas moi. Oh, pauvre innocente. Vous ne vous étiez aperçu de rien, n'est-ce pas? Vous n'avez donc pas vu les grimaces qu'il vous faisait pendant que vous repassiez? Et la jalousie qu'il avait pour moi? Trop peu de malice pour faire attention à ce genre de choses. Enfin, toujours est-il qu'il m'a dit certaines paroles qui, en vérité, Fabrice, m'ont fait rougir. Ah, ah, ah, vous voyez à quoi cela vous expose d'être une femme seule, sans personne pour vous protéger. Si vous étiez mariée, il en irait différemment. Oui, je crois que tu as raison. Moi. Aussi, je songe à me marier. Ah oui, oui. Et... Oh. Et que désirez-vous? Ouvrez! J'ouvre. Oh, non, attends que je sois partie. Mais de quoi avez-vous Mais peur? Mais je ne sais pas, cher Fabrice. Peut-être ai-je peur pour ma vertu. Oh. Que désirez-vous, monsieur? Et pourquoi frappez-vous si fort? On ne se conduit pas ainsi dans une auberge respectable. Le chevalier de Ripafratin vous forcez cette porte. Ouvrez-moi, vous en fous. Qui serait-il devenu fou? Mais elle en nous en compte. Ouvrez-lui, Fabrice. Oh. Je désirais justement lui parler. Je vais ouvrir, mais je vous supplie. Non, non, ne craignez rien, oh. Nous sommes là. Ça, moi, j'ai bien envie de prendre le large. Ah, où est-elle? Qui cherchez-vous, monsieur? Où est Mirandoline? Je n'en sais rien. Ah, tout va bien, c'est à Mirandoline qu'il en a. Oh, la scélérate, je la trouverai bien. Ah, qui en avez-vous, chevalier? Ah, nous sommes amis, vous et moi, chevalier. Que voulez-vous à ma patronne, monsieur? Toi, je n'ai pas de compte à te rendre. Hein? Quand je commande, je peux être obéi. Je pète mes deniers pour cela, et je te jure par le ciel que ta patronne va avoir affaire à moi. Oh, votre seigneurie paie de ses deniers pour qu'on la serve dans les choses licites et honnêtes. Et que votre seigneurie me pardonne, elle ne peut prétendre qu'une femme honorable. Qu'est-ce que tu me racontes? De quoi te mêles-tu? Mes affaires ne te regardent pas. Je sais ce que j'ordonne à ta patronne et. Et vous lui avez ordonné de venir dans votre chambre. Va-t'en, coquin, ou sinon rends le crâne. Je m'étonne qu'un gentilhomme non, comme non, vous... Non, non, tais-toi, Fabrice. Non, je... Allez-vous-en, Fabrice. Dégapis, Fabrice. Et moi, je vous non, dis... Va-t'en, que va-t'en, non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Bon. Ah, quelle vie. Oh, quelle vie. Et maintenant, à nous deux, monsieur le chevalier. Que me voulez-vous? Monsieur le chevalier, il est malséant de se moquer des faiblesses d'autrui quand on a un cœur aussi fragile que le vôtre. Qu'entendez-vous par là, je vous prie? Je sais à quoi il faut attribuer votre fureur. Même marquis, comprenez-vous de quoi il parle? Mon cher, moi, alors je ne sais rien. Mais rien. C'est de vous que je parle, de vous qui, prétextant ne pas pouvoir souffrir les femmes, avez tenté de me ravir le cœur de Mirandoline. Mmh. Un cœur, monsieur, que j'avais déjà conquis. Mais c'est ridicule, n'est-ce pas, marquis? Moi, je me tais. C'est à moi qu'il faut vous adresser, chevalier. À moi qu'il faut répondre. Mais sans doute êtes-vous honteux de votre vilain procédé. Je suis honteux de vous avoir écouté aussi longtemps sans vous dire que vous mentiez. Quoi? Un menteur? Oh, ça se gâte de plus en plus. Qu'est-ce qui vous autorise à dire? Mais Marquis, n'est-ce pas, le comte ne sait pas ce qu'il non, dit. Non, je suis en dehors de tout cela, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'en mêler. C'est vous qui êtes un menteur, chevalier. Non, alors, monsieur, moi je vous laisse. Non, restez. Mais vous allez me rendre en raison, chevalier. Mais oui, je m'en vais vous rendre en raison. Ah, donnez-moi votre épée, Marquis. Non, calmez-vous tous les deux, mon cher comte. Que vous importe à vous que le chevalier Mirandoline. Comme moi, mais ça n'est pas vrai. Celui qui dit est un menteur. Un menteur? Alors, ça, si quelqu'un ment, ce n'est pas moi, car ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais qui est-ce alors? C'est moi qu'il dit, et je le soutiens, et vous ne me faites pas peur. Marquis, donnez-moi votre épée. Non, voyons, chevalier. Vous êtes donc vous aussi mon ennemi. Non, moi je suis l'ami de tout le monde. Chevalier, vous êtes conduit indignement. Ah, par le ciel. Votre épée, Marquis. Non, comment? Vous n'avez pas honte de me la prendre de force, et qui plus est avec le fourreau? Vous me manquez de respect, chevalier. Si vous vous considérez comme offensé, Marquis, je vous donnerai satisfaction à vous aussi. Non, alors là vous êtes trop bouillant, vraiment. Chevalier, j'exige satisfaction. Je suis à vous tout de suite. Le temps de tirer cette épée de son fourreau. Non, vous n'y arriverez pas, chevalier, n'est-ce pas? Cette épée ne vous connaît pas. Non, c'est infernal. Ma patience est à bout. Ah, enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais cette épée n'a pas de lame. Ah, vous m'avez cassé mon épée. Mais où elle reste? Mais il n'y a rien dans le fourreau. Ah oui, c'est vrai. Ça, je ne me rappelais plus que je l'avais brisé lors de mon dernier duel. Comte, laissez-moi me pourvoir d'une épée. Je jure par le ciel que vous ne m'échapperez pas. Vous échappez, je suis prêt à vous affronter avec ce tronçon de lame. Oh, ça, c'est une lame espagnole, elle n'a peur de rien. Vous mettez dans une sourdine à vos bravades, monsieur le fanfaron. Oh, je vous tuerai. Arrêtez. Arrêtez. Que nous veut-elle, celle-là? Oh, pauvre de moi, ces messieurs, l'épée à la main. Ah, vous voyez, Mirandoline, et tout cela à cause de vous. Comment cela, à cause de moi? Oui. Oui, monsieur le chevalier, Kouassi est amoureux de vous. Oui. Moi, amoureux, mais ce n'est pas vrai, vous mentez. Monsieur le chevalier, amoureux de moi? Oh non, monsieur le comte, vous faites erreur. Je puis vous assurer que vous faites certainement erreur. Ah, si vous êtes de mèche avec lui. Oh, cela se sait, cela se voit. Mais qu'est-ce qui se sait, marquis? Qu'est-ce qui se voit, marquis? Je dis que lorsque cela est, cela se voit. Quoi? Et que lorsque cela n'est pas, eh bien, cela ne se voit pas. Comment, monsieur le chevalier, amoureux de moi? Mais il le nie, et en le niant devant moi, il m'humilie et me fait connaître sa fermeté et ma faiblesse. Ah, oui, la vérité m'oblige à dire que j'ai tenté de rendre monsieur le chevalier amoureux de moi. Oh, je ne suis arrivée à rien, n'est-ce pas, monsieur le chevalier? Tout ça est ridicule. Voyez-le, Mirandoline, il se trouble. Oh, il n'a pas le courage de nier. Marquis, taisez-vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oh, chevalier, c'est toujours à moi que vous vous en prenez. Oh, monsieur le chevalier n'est pas de ceux qui s'enflamment. Il connaît trop bien la chanson. Ils connaîtront la fourberie féminine. Les larmes même ne le convainquent pas. Quant aux évanouissements, il ne fait qu'en rire. Elles sont donc feintes, les larmes de femmes. Ils sont donc mensongers, leurs évanouissements. Mais comment? Est-ce que vous ne le saviez pas? Ou bien feignez-vous de ne le point savoir? C'est une telle rouerie. Voyons, monsieur le chevalier, ne vous emportez pas. Sinon, ces messieurs vont croire que vous êtes vraiment amoureux. Il l'est! Il ne peut plus le dissimuler. Oh, je la vois rien qu'à ses yeux. Non, Marty, je ne le suis pas. Non, messieurs, non, il n'est pas amoureux. Hein? Je le dis, je le soutiens et suis prête à le prouver. Comte, à un autre moment, vous me trouverez armé d'une épée et non de ceci. Oui. Non, attention à mon épée, voyons, ne l'achetez pas comme ça. La garde m'a coûté très cher. Non, monsieur, ne vous en allez pas. Votre réputation est en jeu. Ces messieurs croient que vous êtes amoureux de moi. Il faut les détromper. Oh, c'est tout à fait inutile. Non, monsieur le chevalier, non. Attendez un instant. Chevalier, vous ne pouvez vous dérober ainsi. Restez. Bien, je reste. Messieurs, le signe d'amour le plus certain, c'est la jalousie. Oui. Et il est bien évident que quelqu'un qui n'éprouve pas de jalousie est quelqu'un qui n'aime pas. Oui. Et si monsieur le chevalier m'aimait, il ne pourrait souffrir que je fusse à un autre. Oui. Eh bien, il va le souffrir. Et vous verrez. À qui voulez-vous être? À celui qui a toujours occupé mon cœur. Oh, c'est moi. Non, monsieur le marquis. Hein? C'est moi. N'est-ce pas, Mirandoline? Non, monsieur le comte, non. Ce n'est pas vous non plus. C'est sans doute de moi que vous voulez parler, madame? Oui, cher Fabrice. Et c'est à toi qu'en présence de ces gentils hommes, je veux accorder ma main. Eh bien, mais bravo, mariez-vous et je vous promets 300 écus. Mirandoline, mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'une poule après-demain. Mariez-vous et je vous donne sur le champ 12 sequins. Merci, messieurs, merci. Mais je n'ai pas besoin de dot. Je suis une pauvre femme sans grâce, sans esprit, incapable de tourner la tête à une personne de mérite. Mais Fabrice m'aime et présentement devant vous, je le prends pour mari. Oui, maudite. Épouse qui tu voudras. Je sais que tu m'as berné, je sais que tu triomphes au fond de toi-même et t'enorgueillis de m'avoir humilié. Et je vois à quelle épreuve tu voudrais encore soumettre ma patience. Tu mériterais d'être payé de tes tromperies par un coup de poignard dans le sein. Tu mériterais que je t'arrache le cœur et que je l'offrisse en exemple à toutes les enjôleuses de ton espèce. Ce serait doublement m'affilir. Je vais fuir ton odieuse présence, maudissant tes agaceries, tes larmes, tes mensonges. Tu m'as fait connaître le néfaste pouvoir que ton sexe peut avoir sur nous. Et tu m'as fait apprendre à mes dépens que pour vaincre tes pareils, il ne suffit pas de les mépriser, mais qu'il faut les fuir comme la peste. Eh bien... Après cela, il pourra toujours nous dire qu'il n'est pas amoureux de vous, Mirandoline. S'il me traite encore de menteur, cette fois de gentilhomme, je le provoque. Oh, doucement, monsieur, doucement. Le chevalier est parti et... S'il ne revient pas et que la chose n'aille pas plus loin pour moi, je pourrais dire que j'ai de la chance. Le pauvre, j'ai réussi à le rendre amoureux de moi, mais je viens de courir un grave danger. Allons, maintenant, ne parlons plus cela. Fabrice, viens ici, mon cher. Viens et donne-moi ta main. Ma main? Ah, tout doux, madame, tout doux. Croyez-vous que je veuille épouser quelqu'un qui se plaît de la sorte à tourner la tête des gens? Allons, grand sot, ça n'a été qu'une plaisanterie, un badinage, un point d'honneur. J'étais fille, je ne dépendais de personne. Mais quand je serai mariée, je sais bien ce que je ferai. Ah oui, ah oui. Et que ferez-vous, s'il vous plaît, hein? Madame Mirandoline, avant de partir, je suis venue vous saluer. Pourquoi vous vous en allez? Oui, madame. Mon patron est déjà à la poste en train de faire atteler. Il m'attend avec les bagages. Nous partons pour Livourne. Bonne chance, Arlequin. Je vous remercie et je vous salue. Ah, Dieu soit loué, le chevalier est parti. Et bien, malgré tout, j'ai quelques remords, car je crois qu'il s'en va mécontent. Oh, c'est bien la dernière fois que je joue à un jeu aussi dangereux. Ah. Mirandoline, que vous soyez célibataire ou mariée, je serai toujours le même pour vous. Ah, et moi, vous pourrez toujours compter sur ma protection. Oui, messieurs, à présent que je me marie, je ne veux plus ni protecteur, ni soupirant, ni cadeau. Jusqu'ici, je me suis amusée et j'ai bien failli avoir à m'en repentir. Mais maintenant, c'est fini. Oh oui, c'est fini. Voici mon mari. Tout doux, madame, tout doux, tout doux, tout doux. Quoi pense là, tout doux? Qu'y a-t-il? Pourquoi hésites-tu? Allons, ta main. Non, je voudrais que d'abord nous mettions d'accord sur certains petits points. Quels petits points? Ah, c'est à prendre ou à laisser. Tu m'épouses ou bien tu retournes dans ton pays? Non, mais pour ce qui est de vous épouser, je ne demande pas mieux. Mais ensuite... Mais ensuite, oui, mon cher Fabrice. Je serai tout à toi. Ne doute pas de moi, je t'aimerai toujours. Oh, Mirandoline, Mirandoline, je ne résiste plus. Mirandoline, vous êtes une femme de tête. Vous avez l'habileté de conduire les hommes où vous voulez. À chaque fois de gentilhomme, vous êtes une magicienne. S'il est vrai que je puisse compter sur la bonté de vos seigneuries, il est une dernière grâce que je voudrais leur demander. Mais de parler. Non, je vous écoute. Oh, que va-t-elle encore inventer? Bien, je vous supplie d'avoir l'extrême bonté de vous chercher une autre auberge. Oh, bravo! À présent, je suis sûr que vous m'aimez. Oui, oui, je vous comprends et je vous admire. Je vais partir. Mais où que je sois, n'oubliez pas que vous avez toute mon estime. Très bien. Dites-moi, Mirandoline, n'avez-vous pas perdu un petit flacon en or? Si, monsieur le marquis. Tenez, le voici. Ah, je l'ai retrouvé. Merci. Et pour vous complaire, je vais moi aussi m'en aller. Mais rappelez-vous qu'en tout lieu, ma protection vous est acquise. Les sentiments que vous m'exprimez là me sont chers, dans la limite permise par les convenances et la vertu. Et en changeant d'état, je veux aussi changer de manière d'être. Et vous, messieurs, qui nous avez écoutés, faites votre profit de ce que vous venez d'entendre pour le plus grand bien et la sécurité de votre cœur. Et si jamais vous vous trouviez sur le point de succomber aux agaceries de mes pareils, rappelez-vous les tours et les ruses de la locandière. Dans les classiques du théâtre italien, vous avez pu entendre La Locandiera, comédie de Carlo Goldoni, traduction et adaptation radiophonique de Michel Arnaud. Voici quelle était la distribution. Le chevalier de Ripa Fratta, Daniel Le Courtois. Le marquis de Forlì Popoli, Robert Pisani. Le comte d'Alba Fiorita, Marcel André. Fabrice, Robert Hirsch. Arlequin, Gaëtan Genre. Un serviteur, Roger Bontemps. Moni Dalmès était Mirandoline, Lise de la Mare, Hortense, Nivette Baran, Déjanire, Jacqueline Cartier, Celle qui voit. Prise de son Jean Jouve. L'émission a été réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. La musique étant empruntée à Mozart.